Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour chers amis et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Je commence par les annonces habituelles, donc je rappelle que nous sommes présents sur Gab ainsi que sur Odyssée à l'adresse Oremus officielle et aussi sur le canal Telegram toujours à l'adresse Oremus officielle, n'hésitez pas à nous rejoindre. La semaine dernière, j'avais aussi annoncé que nous essayerions de populariser en fait notre podcast sur d'autres plateformes vidéo, notamment BitChute. Donc on n'a pas oublié, c'est en cours, mais dire qu'il y a des détails techniques qui nous empêchent d'aller un peu plus loin pour l'instant, mais ça va venir. Et avant de commencer l'émission, bien sûr, je vais présenter les membres en format, on va dire, concentré ce soir. Ludwig, comment vas-tu ? Comment va ton camp de concentration, justement, Ludwig ? Ah, écoute, ma concentration, elle est à bloc. Mais ouais, sinon, ça va. Écoute, pas qu'il en va de même pour toi et pour Rex aussi. Bonsoir à tous nos auditeurs. Que Dieu soit avec vous en union d'Hitler. En union d'Hitler, bah tiens, ça va faire plaisir à Rex. Rex, comment ça va ? Bah, ça va très bien. On va essayer de garder en effet la concentration afin d'éviter d'être envoyé en camp de concentration pour être rééduqué. Et comme disait l'ami, en union, voilà, et avec votre esprit, quoi. Et cum spiritu tuo. Bah, messieurs, je propose de commencer directement par un sujet sur lequel on nous attend. On va parler, pour changer, tiens, on va parler un petit peu des femmes. Mais là, c'est un sujet rigolo, on va commencer par un sujet rigolo, puis après on va enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. On aime bien commencer par les sujets rigolos, je vais parler un petit peu de l'Afghanistan, avec le ministère de la Vertu et du Vice, qui a décidé de promulguer une loi qui empêche en fait aux femmes de trop parler en public. Donc je vais lire un petit extrait de l'article du JDD. Mohamed Khalid Hanafi, le ministre afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Je fais déjà une petite pause parce que, juste pour dire que j'adore ce nom de ministère. Donc, ce monsieur a promulgué l'interdiction pour les femmes de s'entendre, entre guillemets, de s'entendre, et le ministre de déclarer, je cite, quand les femmes ne sont pas autorisées à faire le takbir ou l'atan, donc c'est un appel islamique à la prière, elles ne peuvent certainement pas chanter des chansons ou de la musique. Comment pourraient-elles être autorisées à chanter si elles n'ont même pas le droit d'entendre la voix des autres pendant qu'elles prient? Tout un blabla pour dire, en fait, voilà, maintenant les femmes ont une restriction comme ça de parler en public parce que les hommes, voilà, ça bourdonne dans les oreilles, ça fait pas du bien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Elle est libre de rire, de lire, de mettre une mini-jupe, libre de... Hop, hop, hop, hop, hop, c'est quoi ces connasseries? Ah, non, tu crois que ce Ben Laden c'est fini, tu t'habilles comme une pète? Rentre à la maison, t'as tes copes de gosses, t'es fait le corse, les manger, tout ce qui s'en souhait. Allez, sort! Qu'est-ce que c'est ce bordel, Naldinas? Une source d'inspiration, je trouve, pour la France. Je verrais bien Ludwig en ministre de la Vertu et du Vice. Pour la région France, Gauleiter. Là, moi, je dis, voilà le vrai progrès. Hein. Ouais, tu l'as dit, bon, peut-être quelques tropismes, on va dire, islamiques, parce que voilà, il y a un bâchage intégral des femmes ou des petites choses comme ça. Et dans une société chrétienne, ça serait sensiblement différent et en même temps pas tant que ça, puisque d'un point de vue de la loi naturelle, il suffit de revoir un peu ce que pensaient les évêques, le magistère de l'Église, du suffrage féminin. Autant on pourrait dire ils en parlent de façon contextuelle ou quoi, non, en fait c'est un enseignement assez intemporel où voilà, ça convient pas trop au sexe féminin de trop, ne serait-ce que là je parle de, on va dire, participer démocratiquement aux événements de la cité ou des choses comme ça. C'était très hostile, quoi. Non seulement l'Église a condamné le principe un peu de souveraineté populaire, où au lieu de faire partir l'autorité du haut vers le bas, de Dieu vers le chef d'État, puis vers le peuple, etc., on dit non, c'est le peuple, on inverse, on fait une prise de judo un peu. Voilà, c'est un peu pareil sur la condition féminine, c'est faut pas la faire sortir trop de son cadre, de son foyer, dans la majorité des cas, sauf après des cas particuliers où, comment on appelle ça, les groupes de sœurs qui sont entre elles. Là, c'est la vocation religieuse, c'est encore autre chose, mais normalement, voilà, on doit vraiment destiner à cela. Et Ludwig a bien parlé de progrès, parce que Alexis Carrel, il disait le seul vrai mérite du progrès, c'est d'abord le progrès moral. Le progrès technique, tant mieux s'il arrive, pourquoi pas, c'est assez neutre. Il faut arriver à cadrer ça, à limiter, à faire en sorte que ce soit bénéfique un maximum pour tout le monde. Mais le premier des progrès, il est d'abord moral. Si vous avez une super Viper, mais que vous êtes un gros dégénéré, la valeur, elle descend bien bas. Donc un petit ministère, comme tu disais, Bobby, je trouve ça très drôle et très puissant. Là, le nom complet, bon, vertu et vice, on se doute bien que vice, c'est pour le condamner, et vertu, pour le garder, en faire l'éloge, etc. Donc ils doivent faire bien l'éloge de choses, le silence des femmes, leur virginité, le mariage, les choses comme ça, ça me choque pas, hein, ce silence des femmes, virginité, mariage. Normalement, un catholique conséquent, quand il entend ça, il doit hausser les épaules, il fait bah oui, enfin, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dessus? Non, alors là, je vous arrête, il est hors de question que je parle de moi. Je préfère encore me taire. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle le porte rarement. Je précise qu'on enregistre cette émission le jour, c'est pas voulu, hein, le jour où les Femmes ont fait une action à Paris, devant le musée du Louvre, où bien sûr elles se sont mises comme ça, seins nus, en criant des tas d'obscénités, de bêtises, pour protester d'ailleurs contre ça. On sait même plus quoi, ce qu'elles savent d'ailleurs, on sait pas. On va changer le monde, tous ensemble. Et on porte la parole du monde arabe, avec des amis qui viennent d'Iran, d'Égypte, d'Ali Al-Majid, Tunisie. Aujourd'hui, on parle au nom de toutes ces femmes arabes qui revendiquent la liberté, l'égalité, la laïcité. Se mettre nu parce que nous, dans le monde arabe, leur honneur, c'est notre corps. Leur honneur, c'est notre virginité. Et ils ont peur de le corps de femme. Vous voyez un peu la différence. Les gens vont dire, ah, quand même, peut-être les Afghans, les talibans, ils vont un peu trop loin. Regardez-nous, est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? C'est pour ça qu'on rigole, en fait, de ce thème des talibans, des taliblans. Là, c'est des cathotradis, avec un public de cathotradis, qui est en train de faire la promotion des talibans. C'est pour ça que c'est comique, c'est pour ça que j'aime bien ce sujet, parce qu'en avant, c'est deux groupes qui vont pas ensemble. Et là, on s'en retrouve, en fait. On s'en retrouve parce que c'est pas possible. C'est pas possible que tout ce féminisme puissance 1000 qui détruit les familles, qui détruit la civilisation. On arrive à un point maintenant, je ne sais pas si vous avez vu cette info qui est tombée il y a environ 2 semaines, je crois, où en fait, le taux de natalité en France, il est aussi bas que en fait, pendant la Première Guerre mondiale, en plein cœur des combats, des tranchées, etc. Il y avait un taux de natalité qui était forcément très très faible. On en est là, on y est maintenant, alors que nous sommes officiellement en paix. Même si on voit quand même nos troupes quand même un peu à droite à gauche. En tout cas, sur le sol de France, nous sommes en paix. Et pourtant, il n'y a plus de renouvellement de génération parce que les femmes, voilà, maintenant, c'est fini. Voilà. Elles ne veulent plus de mecs. Si jamais elles veulent un mec, elles ne veulent pas se caser pour de bon. Et quand elles veulent se caser pour de bon, bah, c'est qu'en fait, elles ont déjà 30, 40 ans, etc. Et pour faire des gosses, des fois, c'est un peu trop tard. Et si jamais elles en font un, c'est le bout du monde, quoi. Surtout pas deux, hein. Ouais, c'est très révélateur, cette statistique récente, justement, effectivement. On a un taux de natalité aussi haut que comme si nous étions en guerre, quoi. Mais le fait que un taux de natalité aussi bas en guerre, c'est que voilà, le peuple est démoralisé, quoi. Il y a plus de confiance vers l'avenir. On a moins d'envie pour se reproduire et faire perpétuer sa descendance au final. Et ben, c'est un peu ce qu'on assiste vraiment dans ces sociétés hyper individualistes, hédonistes et matérialistes qu'on voit aujourd'hui. Et Rex a très bien visé juste lorsqu'il a dit ben, effectivement le premier des progrès, c'est le progrès moral. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on assiste à un paradoxe, c'est-à-dire que nos sociétés, d'un point de vue technique, elles sont plutôt elles sont avancées sur ce point-là. Mais si tu as à côté une dégénérescence morale, eh ben on voit toutes les conséquences qui en découlent de la société. Ce qui fait que voilà, finalement, on n'est pas aussi civilisé qu'on le croit, avec toutes ces débauches qu'on voit dans la société, quoi. Surtout avec ce féminisme délétère et mortifère. Bobby l'a dit, on aime bien user de petites expressions trollesques avec la charia blanche ou tous ces trucs-là, mais et comme il disait, on se retrouve sur un point, et j'insiste là-dessus, c'est plus d'ordre naturel, parce que certains pourraient nous dire « mais vous êtes pour un front de la foi » ou je ne sais quoi. Non, c'est juste objectivement, sur une vérité d'ordre naturel, on se retrouve. Il se trouve que, vous me direz, c'est en réglementant la société par les mœurs, par la morale, la religion, qu'on se retrouve d'ailleurs. Mais il n'est pas question pour nous de montrer des points communs en cachant des points de désaccord ou quoi. Et en aucun cas, on va soutenir l'œcuménisme Vatican II ou quelque chose du genre. Ah non, on n'apprécie pas l'islam plus que ça, quoi. C'est une hérésie, c'est idiot. Enfin, non, on n'a pas d'affinité particulière envers l'islam, c'est moi qu'on puisse dire, quoi. Juste que, comme tu viens de le dire, Rex, si on prend juste la loi naturelle, je crois que les talibans, dans leur gouvernement, ils n'enfreignent qu'une seule règle, je pense, c'est vu qu'ils sont polygames. C'est-à-dire, mais sinon, sur le reste des commandements, je crois, hein, dans le cadre de leur point de vue, le reste, ça a l'air de passer. Juste sur la base de la base, quoi. Après, sur l'islam, etc., ça part dans tous les sens, vu que c'est une religion pour idiot, quoi. Vraiment, ce féminisme, bon, il y a peut-être diverses échelles et la participation des femmes dans la société et tout ça, mais on se retrouverait même avec, de toute façon, des païens, par exemple, puisque si vous faites référence à l'Antiquité, elle était archi-patriarcale. Bon, il y a eu certains conflits avec l'Église, même sur ces sujets-là, puisque le père avait droit de vie et de mort sur l'enfant, il pouvait... l'écraser, quoi, à la naissance, ou des choses comme ça, en Grèce, à Rome. Donc, il y a eu des hostilités sur certains points, mais globalement, ça respectait la loi naturelle sur, voilà, un peu les rôles distincts selon les sexes, hommes-femmes, l'éducation des enfants, etc. Bon, c'était globalement plus proche, et même Napoléon Bonaparte, par exemple, il lance son droit, et bah, c'est un droit, en effet, patriarcal, en partie en opposition à la monarchie française, puisque à la fin de la monarchie française, si vous regardez bien, les comtesses prennent une place énorme à la cour, c'est potin sur potin, ennuyeux au possible si vous êtes un véritable homme politique incarné. Et il se trouve que, paradoxalement ou non, souvent les révolutionnaires, les Lumières, les Jacobins, etc., étaient beaucoup plus patriarcaux que les royalistes, et vous le retrouvez y compris au XIXe siècle. En général, les royalistes étaient choqués par les députés de gauche, genre « vos mains sont pas faites pour le pugilat, venez pas, voilà, ne devenez pas députés », etc. Et c'est les députés légitimistes, pourtant radicaux sur plein d'autres points, qui arrivaient et qui disaient « non, c'est scandaleux, au contraire, on devrait permettre... » Enfin, bon, peut-être pas d'accéder à la députation, ils allaient peut-être pas jusque-là non plus. Mais c'était vraiment paradoxal, hein. Si vous regardez Voltaire, Rousseau, etc., ce sont des misogynes finis, alors que face à cela, la droite royale d'époque, bah, c'était différent, au contraire. On écoutait un petit peu trop parler les femmes, j'ai l'impression. Donc voilà, ultra-distant, pour envoyer une autre formule, après les talibans, forever. Je crois que si on prend tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de France, jusqu'à la fameuse Révolution, tous, ils étaient tous misogynes, mais alors puissance 1000, tous les grands hommes comme ça. Et ils méprisaient les femmes, mais nous, ce qu'on dit dans l'émission, mais on ne dit même pas 1% de ce que disaient ces gens-là. Bon, après, c'était des gens exceptionnels, donc forcément, lorsque vous êtes un être exceptionnel, vous avez plus tendance à mépriser votre prochain, parce que vous êtes voilà, le top du top, l'élite, et donc au quotidien, vous côtoyez des gens normaux. Donc voilà, c'est un biais cognitif, on va dire. Mais bon, nous, ce qu'on dit par rapport à ces gens-là, c'est vraiment... voilà, une miette par rapport à tout ce qu'ils font. Soral avait fait les best-of des plus grands antisémites, etc. Et en fait, toutes les grandes figures de l'histoire de France, pareil, ils étaient tous antisémites. En fait, ils partagent exactement les deux traits, hein, les deux traits-là. Ils étaient tous férocement antisémites et foncièrement misogynes. Mais tout le monde. Tu as oublié aussi le raciste court, d'ailleurs. Ça c'est ce qu'il disait, d'ailleurs, le maître du logo, c'est très juste, à titre même sociologique, tu le vois. C'est le monde post-45 ou un peu après, quoi. C'est à partir des années 60-70 où vraiment ça a dérogé à la règle. Sinon, tous les autres pensaient de même. Comme tu dis, les citations, elles sont presque plus choquantes, entre guillemets, qu'à Orémus. Genre, vous prenez saint Thomas d'Aquin, qui est un dominicain d'un tel niveau, dès qu'il y avait des propos sur les femmes, c'est un peu, ouais, c'est un être défectueux tout court, quoi. C'est un robot qui fonctionne mal, quoi. Donc voilà. Et comme dit Bobby, c'est vrai, quand on a un haut niveau intellectuel, quel que soit notre bord, qu'il soit bon ou pas, hein, mais c'est un peu dur d'être populiste, d'être pro-féminin ou des choses comme ça, parce qu'on a l'impression de soutenir la médiocrité, quoi. Mais pour ramener le peintre dans la chancellerie, il ne faut pas oublier non plus que les plus grandes figures du collaborationnisme étaient issues de la gauche, hein, des personnalités comme Doriot, D.A., etc. Voilà, donc, d'ailleurs, tout le discours révisionniste s'est développé après-guerre par des figures de gauche comme Paul Racinier, Roger Garaudy, etc. Donc, toutes ces frontières droite-gauche ne sont pas aussi définies. Voilà, la gauche, c'est le mal, la droite, c'est le bien. C'est un peu plus compliqué que ça, au final. Et puis, voilà, bien évidemment, cet aspect misogyne de la gauche dans les années, dans le fin 19e, début 20e, c'est assez intéressant également, ce paradoxe, effectivement. Oui, aujourd'hui, on serait choqué. Là, on se dit, ah bon, ça venait plutôt de la gauche. C'est un petit peu comme la gauche refile le bébé avec l'eau du bain, genre. C'est la gauche Jules Ferry qui colonise l'Algérie, c'est la fin de l'Empire avec De Gaulle, et finalement après c'est la droite, voire l'extrême droite, qui dit non, nous on veut quand même conserver l'Empire, même si on l'a perdu, vive l'Algérie française, etc. Et on se prend un peu le... Ouais, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, et nous on récupère tout comme des idiots, quoi, c'est souvent ça. Oui, c'est vrai que Jules Ferry, pour sa logique, de sa philosophie en fait, c'était la colonisation. En fait, comme la droite était d'accord sur la colonisation, mais pas pour les mêmes raisons. Jules Ferry, il a dit textuellement, hein, que, en fait, nous, on était la race supérieure, qu'on avait un devoir de coloniser, d'enseigner et de s'imposer face aux races inférieures. Bon, moi, je ne suis pas choqué plus particulièrement par ce propos, parce qu'on se comprend bien. La gauche actuelle ne dit pas ça du tout, on est d'accord. Bah ça a un côté en plus, c'est un peu une mission universelle assez français, hein. Les Français adorent ça, il y a un petit côté altruiste, bon, condescendant, hiérarchique et tout ce que vous voulez, mais finalement, ouais, limite on veut vous assimiler à ce que nous on pense parce que c'est mieux, quoi. Et bon, comme c'est Jules Ferry, c'est une version républicaine, laïque, athée, c'est-à-dire on est allé dans des contrées musulmanes en robot matérialiste, ce qui... aurait mieux fonctionné avec, la promotion de la religion catholique, c'est évident. Mais bon, ça a pu être un peu fait, en même temps, des gros bâtons dans les roues. Et aussi, ouais, je voulais revenir sur Ludwig qui parlait de la gauche collabo. Il y a beaucoup de vrai, hein. C'est vrai qu'à l'époque, la droite radicale était plus... il y avait peut-être deux tendances, mais la tendance résistentialiste, un peu anti-Bosch, patriotique, etc., était quand même assez élevée. À Vichy, c'était plutôt cette tendance. Il y avait aussi une tendance un peu libérale molle, hein. C'est peut-être pour ça que les Berryou disaient on défend Pétain face aux gauchistes, évidemment, mais on va pas s'extasier non plus, quoi. C'est moins intéressant que les régimes fascistes voisins et tout ça. Je me sens plus excité par Adolf Hitler. Donc ouais, et puis à Paris, comme ils étaient directement occupés, là ça a collaboré bien plus. Là où après c'était, Jacques Doriot, c'est un ex-communiste, mais qui a une lente évolution nationale et sociale, assez pro-chrétienne, patriotique et tout ça, donc il a aussi un peu basculé et tout ça à sa façon. Mais c'est vrai que la frontière droite-gauche, dans quelle géographie, dans quelle époque, sur quel sujet, c'est un peu plus délicat. C'est toujours un peu plus délicat, ouais. Oui, ouais, effectivement, il faut éviter, en histoire, c'est typique, il faut éviter de faire des anachronismes. Par exemple, il faut, c'est incorrect de toujours assimiler la gauche d'aujourd'hui à la gauche d'antan. Je suis sûr que si Jules Ferry croisait le gauchiste parisien moyen, il serait considéré comme nazi tout de suite, quoi. Voilà, quoi. Lâchez nos utérus. Si vous souhaitez aider les femmes, faites l'égalité salariale, le congé paternité équivalent au congé maternité. Laissez partir les femmes avant 64 ans. Macron avec les trimestres acquis. Retirez votre réforme. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Bravo. Merci. Vous imaginez là, les revendications sociales de tous ces gens là, post-révolution française, en plein dans la République, et puis d'un coup on leur sort le gauchiste moyen, et puis le mec en fait il se bat pour avoir des tampons dans les toilettes des hommes, se faire mutiler les parties génitales, que ce soit reconnu par l'État parce que le lendemain il se considère comme femme, homme, hélicoptère d'attaque. Enfin, vous imaginez le décalage entre ces gens-là, quoi. C'est... De toute façon, la gauche ne pourrait aller que de ce sens-là, en fait. Hein. La gauche se gauchise, forcément, alors que la droite peut être... si vous voulez, on a une fois qu'on revendique la loi naturelle, par exemple, on n'a pas besoin de demander plus que la loi naturelle. Donc, on n'est pas en train de se droitiser. C'est la gauche qui est en train de pousser pour devenir, bah, finalement, s'autodétruire. Hein. Ça revient finalement à la discussion que nous avions sur le taux de natalité. En fait, qui sont les gens qui font le moins d'enfants? Ben, en fait, ce sont les gauchistes, parce que les femmes, elles ont accès à la pilule, à l'avortement, à fond, à gauche, donc à la gauche, on y croit à fond, et puis on y va. Et les hommes gauchistes, bon, ils sont un peu efféminés, pour ne pas dire plus. Ils sont moins intéressés, parce que d'un an, quand même, demain, il y aura peut-être la guerre, donc ils sont en train de se poser 5000 questions. Nous, par exemple, je voulais annoncer Longinus là qui devait participer à l'émission. Longinus a un petit empêchement, peut-être qu'il va venir plus tard, mais il ne peut pas parce que nous en fait on fait des enfants, donc il a ses enfants à s'occuper. Moi j'ai dû décaler des choses, etc. pour faire cette émission, et on aurait dû avoir d'autres participants aujourd'hui parce qu'en fait nous on est à droite et on fait des gosses quoi. Et eux ils sont en train de crever tout simplement. La gauche est en train de crever toute seule à cause de ses propres les conséquences de ses propres choix. Ouais, bah c'est la révolution qui mange ses propres enfants au final. Bah c'est très juste ce que tu soulignes là, c'est qu'en fait, quelque part, démographiquement, c'est qui va gagner? Ben, c'est la droite, indubitablement. Voilà, statistiquement, ce sont eux qui font les plus d'enfants, donc c'est eux qui vont finalement transmettre leurs valeurs, etc. Alors que bon, les gauchistes, eux, ben, la reproduction, ça leur préoccupe pas tant que ça, du coup, ben, ils auront moins de chances pour transmettre leurs valeurs. À la postérité. Parmi les Européens de souche, hein, je faisais ces distinctions. Parce qu'en fait, on va dire, les droitards, bon, bah, ils continuent à faire des enfants et à vivre, hein, nous sommes pour la vie. La gauche a décidé de se tirer une balle dans le pied, donc, bah, ils font plus d'enfants. Mais il y a quand même le troisième élément qui rentre en compte, c'est que, bah, tous les métèques, qui sont en train de rentrer sur le territoire et tous ceux qui sont déjà là à cause de la gauche, et aussi des fois une partie de la droite affairiste, hein, faut quand même pas oublier le RPR et tout ça, attention, hein, c'est pas nos alliés ces gens-là. Et donc voilà, il y a troisième élément qui arrive, et donc là les Afro-Maghrébins, alors eux ils se posent pas de questions du tout, hein, des enfants, ils en font 2, 3, 5, 10, il y a pas de problème. Hein. Ouais, justement, mais même là en fait, ben, la gauche va perdre justement, parce que eux ils sont pour la République, pour le laïcisme, etc. Alors que les gens qu'ils importent, eux ils sont pour la charia, pour justement des valeurs conservatrices. Donc voilà, c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux. Et si la gauche continue à se tirer une balle dans le pied en accueillant davantage ces gens-là, ben voilà, ils vont perdre. Peu importe l'avenir, ils vont perdre ce combat, que ce soit démographiquement, culturellement, politiquement. Parce que entre les droitards catholiques, qu'ils soient catholiques, conservateurs, etc., pour la vie, etc. Et entre les halogènes mahométans qui sont pour la charia et pour les restrictions des femmes que l'on voit en Afghanistan, la gauche, elle va morfler, moi je te le dis. Est-ce que je peux dire quelque chose d'un peu désagréable à propos des juifs, que c'est autorisé? Écoute, ici on est en zone libre, exactement, voilà. Libre des juifs. Non, parce que voilà, ce que tu viens de raconter, Ludwig, ça me fait penser à l'ADL, donc l'organisation américaine, on va dire c'est grosso modo une sorte de LICRA aux États-Unis, grosso modo, hein, j'exagère un peu. Et ces gens-là ont toujours, en fait, c'est des gauchistes, en fait, hein, ils ont toujours fait la promotion de l'amour, la tolérance, l'immigration, tout ça, faire des bisous. Et depuis qu'il y a eu plein de manifs pro-palestiniennes un peu partout aux États-Unis avec des manifs bien chaudes, Et ben ils ont fait un petit communiqué, hein, puis ils ont dit ah, comment, mais nous on a toujours été de votre côté, etc. Et là vous nous trahissez, ça fait des décennies qu'on œuvre pour vous, hein. Donc là ils avouent qu'en fait ils sont en train de comploter, ça fait des décennies qu'ils complotent, c'est ça qu'ils disent. Et là vous nous trahissez. Bah ouais, mais en fait les Maghrébins, les musulmans, les tout ce qui est marron, en fait ça les intéresse pas, les la juiverie, etc. Puis là le chantage à la Shoah, ça prend pas, hein. Et alors l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne, hein, devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne, le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept, hein. Non. Bah, chaque communauté organisée a ses vues, en fait, hein. Et puis là, vous avez dit pas mal de choses, ça me donne envie de rebondir, comme dit Belloc à chaque fois. Ouais, il y a la droite d'affaires, le libéralisme, de toute façon, a besoin de ses réservoirs de l'immigration. Donc, vous prenez Mélanie, elle est populiste de droite, extrême droite, tout ce que vous voulez, en fait, ça continue quand même les phases migratoires sous elle, parce que on ne remet pas radicalement en question, de toute façon, le libéralisme. Donc, il faut Mamadou, Uber Eats pour faire du vélo, etc. Après, là, ils sont quand même confrontés à... Il y a des fractions de communautés, et vu que celle islamique commence à avoir une certaine petite position sociale, numériquement bien forte, vous l'avez dit avec la démographie, la gauche crève, sauf qu'elle apporte... Elle importe ses Mamadou qui, là, booste pas vraiment la démographie du gauchiste blanc, mais en tout cas, d'un peu un réservoir de partis de gauche a priori, mais moins transphile, on va dire. Et sur cette radicalité, justement, puisque comme Ludwig disait, bon, par exemple, il y a eu Forisson, qui venait plutôt de la gauche aussi, qui a fait du révisionnisme. À droite, ça existait, mais Bardèche un peu discrètement, Pierre Sidos l'a professé, mais c'était pas son unique sujet, si j'ose dire, il était plus nationaliste tout court, et ça impliquait d'autres choses, donc c'est vrai que c'est venu pas mal une contestation, en fait, de gens qui étaient déjà insérés dans la société, et qui finalement ont opéré un peu une rupture, puisque même Forisson, voilà, il a eu le déblocage mai 68, il a obtenu son agrégation universitaire, il enseignait des choses littéraires au début qui étaient très gauchistes. Justement, le fait de voir une ancienne œuvre avec les yeux d'aujourd'hui, etc. Il y avait un peu ce type-là. Ensuite, il a changé. Mais, Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché. Mais il avait commencé de cette façon-là, donc c'est intéressant à analyser. Et la gauche, en effet, qui est, en fait, je veux dire, elle pense comme les médias, comme le régime, sur le thème d'antiracisme, de tout ça, puissance fois 1000. Et par contre, contrairement à l'extrême droite Marine Le Pen, maintenant, il y a une petite rupture qui s'opère sur un sujet comme la Palestine, où là, ils rigolent un peu moins. D'où les médias qui deviennent fous et qui ont dit « Mélenchon fait du lepénisme, mais limite lepénisme Jean-Marie Le Pen, en fait ». Et c'est vrai que du coup, ils opèrent un petit peu des appels d'air. Hein. On avait parlé du maître du Logos, qui a été efficace avec lui, ou avec Dieudonné, par exemple, puisque c'était un peu le duo qui il y a 10-15 ans, avait défoncé la baraque. En fait, ils venaient de la télévision, ils étaient un petit peu dans la jet set, les gars. Et ils ont opéré, en étant bien connus et en ayant leur talent, une rupture qui est ce qu'elle est. Elle est sans doute imparfaite, tout ce que vous voulez, mais ça a fait un appel d'air et des gens comme nous ont pu voir l'émergence de différentes personnalités, de suivre un peu. Finalement, ça vient extrême droite ou extrême gauche, parce que finalement, même Soral qui est passé au FN ou Dieudonné qui a basculé sur l'antisémitisme et qui était contre le FN, c'est assez volatile. Soral qui met sa carte au Parti communiste. Ouais. Sinon, pour revenir à la Palestine, bah, effectivement, il y a cet aspect des gauchistes, d'accord, le combat pour l'indépendance de la Palestine, c'est quelque chose de louable, etc. Bah, d'ailleurs, le Führer lui-même, de façon très prophétique, il avait déjà vu à l'avance tout ça, et il avait déjà démasqué l'arnaque des juifs sionistes, déjà dans Mein Kampf, mais aussi dans ses discours, comme quoi, en fait, cette volonté de créer un État-nation pour les juifs, c'était de la supercherie, en fait, que c'était juste, c'était encore une fois juste pour mener à bien leurs objectifs de créer une sorte de gouvernement mondial, justement. avec pour base Jérusalem et Israël. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. Et lui-même dénonçait justement, à l'époque c'était plus les Anglais, parce que c'était à l'époque, c'était le mandat palestinien à l'époque, sous l'Empire britannique, et il dénonçait ouvertement dans ses discours le caractère violent de l'oppression anglaise en sous-main juive aussi, dans ces territoires-là. Et voilà. En union d'Hitler. Hitler. Par exemple, pour revenir à cette histoire d'Afghanistan, ils ont des lois sur les femmes qui ne doivent pas circuler librement dans la rue sans être accompagnées d'un tuteur légal, d'un parent, d'un cousin, du mari, du père, bien sûr. En France, bien sûr, c'est hors de question, ça. Les femmes ont leurs droits, etc. Et on a encore vu ça il n'y a même pas une semaine. Hein. Toutes ces nanas, là, comme ça, qui sont en train de faire des vlogs pour dire « Ah, bah, vous vous rendez compte, hier, je suis sorti en boîte de nuit, je me suis fait agresser, etc. » Oui, bah, écoutez, mesdemoiselles, vous voulez absolument être libérées. Fameuse libération. Donc, vous voulez absolument sortir en boîte de nuit, et donc vous rentrez à 4h du matin, vite à moitié bourré, et vous marchez comme ça, seul dans la rue. Forcément. Et vous avez quand même une grande probabilité de vous faire agresser. Forcément. Parce que justement, il n'y a pas ce genre de loi-là en France. Et vous les combattez, en fait, ces lois-là. Donc, j'ai pas envie de dire bien fait, parce qu'on va pas quand même souhaiter qu'une nana se fasse violer par un Afghan, tu vois. Un Afghan, tu vois, ou n'importe un Maghrébin, j'en sais rien. Peu importe. Les Arabes ! Il y a quand même une cohérence à avoir. Je vais quand même pas pleurer pour ces femmes-là qui, toute l'année, en fait, font la promotion de la libération sexuelle, d'indépendance, femmes fortes et indépendantes. Et puis d'ailleurs, dès qu'il y a un souci, une agression, etc., je parle même pas d'un viol, une agression, qu'est-ce qu'elles font, premier réflexe ? Ben, on va aux flics, on porte plainte, on fait appel à la loi, etc. Donc en fait, on va aux flics, en fait, on fait appel aux hommes. Voilà. Les hommes, on n'en veut pas, etc. Dès qu'il y a un souci, par contre, j'aimerais bien un peu de sécurité. Oui, bah, écoutez, faut demander aux autres femmes la sécurité. Apparemment, vous êtes fortes et indépendantes. Bah, non, les mademoiselles, vous faites pas ou, ça. Ou demander aux ours, puisqu'il y a ce dilemme, il y a ce fameux dilemme, là, que tout le monde est en train de se demander, là. Pour les femmes, tu préfères quoi, être à côté d'un ours ou être à côté d'un homme? Bah, elles disent tous, ouais, moi, je vais être à côté de l'ours parce que l'ours, ne va pas me violer, etc. Ben, écoute. Il va juste te dévorer, c'est tout. Mais à part ça. Mais bon, au moins, voilà, il va pas être misogyne, etc. Il va me bouffer, mais de façon féministe, on va dire. Je précise que ce que vient de dire Ludwig n'est pas du tout un troll et que les personnes à qui ont été interrogées devaient répondre sérieusement. Cette question qui paraît un peu zinzin. Qui devait répondre sérieusement à cette question. Vous préférez être accompagné d'un ours ou d'un homme si jamais, par exemple, vous êtes seul en forêt, quoi. Et les femmes ont vraiment, de manière, on va dire, rationnelle, choisi l'ours. Bon, bah, écoutez. Bon, c'est pas si rationnel que ça, finalement, alors. c'est bien. Mais, ça, ouais. Est-ce que j'ai dit femme et rationnel dans la même phrase? Si c'est le cas, je m'en excuse. Pardon. Oxymore, là. Hein, ouais. Exactement, ouais, une belle figure littéraire. Bah, ça pose la question. Ouais, la sécurité et la liberté, ça marche sur les femmes et même sur tout le monde. En fait, il y a un peu un choix à faire entre les deux. D'ailleurs, si vous voulez plus de sécurité, vous avez moins de liberté. Si vous avez plus de liberté, vous avez moins de sécurité. Mais après, si vous avez une bonne civilisation, un pays éduqué où il n'y a pas trop de Mamadou Family qui est un peu hostile, etc. Les Arabes ! Normalement, ce genre de faits divers sont quand même bien atténués, on va dire. Donc, il y a quand même aussi l'aspect... éducatif, je veux bien, comportemental, ethnique et tout ce que vous voulez. Mais bon, les femmes, elles ont un peu une attitude collective bizarre, elles se protègent un peu entre elles. Après, elles n'ont pas la force physique et même intellectuelle d'un homme, mais elles ont un petit peu cette attitude-là, même si elles s'apprécient difficilement à l'amitié féminine au sens masculin. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. C'est à part des histoires de potins et d'espionnage, si j'ose dire. Mais... du coup, ouais, on dirait qu'elles n'aiment pas trop les propos, en fait, c'est ça, quoi. Il y a un monsieur à côté, il risque de tenir des propos misogynes. Comme l'ours ne peut pas les tenir, finalement, c'est pas trop mal, quoi. Je pense que les juifs qui font des choix très rationnels, souvent, ils devraient aussi choisir l'ours, à mon avis, parce que le bonhomme, il pourrait peut-être avoir des propos antisémites. Je pense qu'il y a un petit parallèle à faire ici aussi, ça me semble pas mal. Et puis bon, mesdames, de deux choses l'une, ou bien vous êtes vraiment pour la libération de la femme et toute la débauche féministe, mais en même temps, il faut discriminer tous ces halogènes mahométans qui veulent vous soumettre à la charia. Et donc, il va falloir être discriminant et un petit peu raciste. Ou bien vous êtes vraiment antiraciste à fond. Et alors, dans ce cas, vous êtes vraiment pour à fond la charia, etc., des valeurs traditionnelles. Mais là, les féministes, elles sont vraiment en train de marcher sur les œufs en essayant d'être à la fois antiraciste et pro-musulmane, et à la fois pro-féministe, pro-libération de la femme, etc. C'est inconciliable, c'est le jour et la nuit. Mais bon, ça c'est vraiment caractéristique des femmes, quoi. C'est être contradictoire, incarner la contradiction à son apogée, on va dire. Ça me rappelle ces deux idiotes, là, deux femmes fortes et indépendantes, qui voulaient absolument prouver que les Marocains et le Maroc en général, c'était génial et tout. Et donc, elles se sont rendues au Maroc en mini-short, je ne sais pas quoi, pour faire de la randonnée dans des coins perdus et tout. Pour dire, vous avez vu, eh ben, en fait, on n'est pas emmerdés, il n'y a pas de facho, etc. Et puis, elles ont fini décapitées, voilà, violées, décapitées. Bon. La sélection naturelle, là. Faut, sur ce genre de cas, il faut... Alors, je ne sais pas, c'est vrai que maintenant, les pères n'ont plus la main sur leur fille d'un point de vue légal, donc ils sont désemparés. Mais il y a une responsabilité énorme des parents là-dessus, hein. Alors surtout du père. Hein. Dire, ok, tu es une jeune femme, plutôt jolie, tu vas aller dans un pays musulman faire de la randonnée seule avec ta copine en mini-short. À un moment donné, si jamais tu tiens à la vie de ton enfant, tu fais tout pour qu'elle ne parte pas, quitte à l'attacher au radiateur, quoi. D'ailleurs, c'est un discours qui ne tient absolument pas, même dans les milieux catho-tradis, on ne veut pas entendre ce que je viens de dire là. C'est non, la femme, elle doit faire absolument tout ce qu'elle veut, etc. Le féminisme ronge aussi le milieu catho-tradi. Le fait de dire, je fais un petit parallèle directement avec les Afghans, le fait de dire, écoutez, la pudeur qu'appliquent les Afghans, elle est peut-être extrêmement exagérée dans la pratique, ce qu'ils appliquent, c'est juste de la folie. C'est vrai, personne ne veut mettre de burqa sur la tête des femmes, ça ne m'intéresse pas. Néanmoins, il y a quand même une pudeur à gérer, et les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent, et les hommes doivent régir ça. C'est un point de vue catholique tout à fait traditionnel et normal, je m'en excuse pas de le penser, c'est un discours qui n'est absolument pas accepté dans les milieux catho-tradis. Voilà. Toujours à cause des bonnes femmes qui vont dire « Ah non, quand même, ma liberté !» Et puis le mari qui va se taire parce qu'il y a sa rombière à côté qui va dire « Ah, bah toi, tu soutiens le misogyne, etc. Bon, » Bah oui, il faut le dire. En fait, ce qui se passe en Afghanistan, c'est quand même assez caractéristique de cet esprit, de cette religion mahométane, c'est qu'en fait, ils voient toute cette décadence avec les féministes en Occident, ils voient tout ce qui se passe et ils adoptent vraiment cet esprit de radicalité et de passer d'un extrême à l'autre. Donc voilà. Donc en Occident, voilà ce qui se passe quand on donne entièrement la liberté aux femmes. Du coup, on va donner aucune, mais zéro liberté aux femmes. Alors oui, bien sûr, d'un point de vue catholique, bien sûr, on a quand même un discours un peu plus nuancé que ça. Même si, bien sûr, voilà, la femme ne peut pas enseigner, on n'accepte pas les diaconasses, etc. Ce terme, tu me le ressors dans 6 mois, je serai encore mort de rire. Quoi. Diaconasse, je trouve que c'est fantastique. Ouais, et puis cette défense, en fait, vous pointez du doigt un peu la contradiction aussi sur le fait un peu de vouloir une société laïque et en même temps apporter massivement une immigration... en bonne partie africaine, qui, elle, en fait, a des racines islamiques qui sont un peu en opposition avec les lois laïques. Bon, il y a un peu de laïcité avec celle qui est très anti-religieuse et celle qui fait un peu un micmac. Et on est un petit peu plus dans la situation du micmac. Bah, après, dès qu'il y a une religion qui veut un peu avoir la prédominance, là, par contre, ils sont d'un seul coup très hostiles. Et en fait, pour aller... on parlait des gauchistes assimilationnistes, on a été très gentils jusqu'ici, parce que la droite est quand même encore plus assimilationniste, et elle est même moins racialiste. La gauche reste racialiste par exotisme. Donc finalement, la distinction ethnique ne la gêne pas tant que ça, même si elle va dénoncer le racisme ou des choses comme ça. Là, la droite est assimilationniste, typiquement Pierre-Yves Rougeron, Papacito, ou les personnalités comme ça. C'est un petit peu pour... aussi préserver le statu quo, finalement, c'est un peu étrange. On sait qu'on peut... ou alors, Un peu à la Conversano, il est beaucoup plus racialiste, lui, pour le coup. Mais il y a un petit côté, alors, pour conserver un petit peu la société libre post-mai 68, il faut refuser cette immigration. Et là, c'est juste une prise de, c'est une prise de conscience, quand même, par rapport à l'immigration, mais en fait, pas forcément par rapport aux comportements moraux des hommes, des femmes dans la cité ou des choses comme ça. Après, ce qui est à la racine de ça, c'est en fait, c'est que les gens, comme à droite, comme à gauche, ils refusent catégoriquement de remettre en question cette dialectique. Il faut absolument que j'ai cette image d'antifasciste. Les antifascistes, c'est les autres. Non, moi, je ne suis pas raciste, moi, je ne suis pas nazi, etc. Donc, les droitards, pour blanchir leur image et apparaître comme des gens vertueux, ils veulent se présenter comme plus antiracistes que les antiracistes eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils adoptent encore plus ce discours. Non, moi je ne vois pas de race, un Français noir est tout aussi français qu'un Français de souche normand qui est là depuis 1000 ans. Donc voilà, les vrais fascistes, en fait, c'est ces gauchistes antiracistes, les vrais nazis, c'est les gauchos, etc. C'est vraiment... On reste bloqué dans cette dialectique fasciste qui est stérile, vaine, et qui nous fait perdre du temps et qui... Ce sont des gens qui ont peur d'assumer... vous savez, quelqu'un qui va assumer, par exemple, l'antisémitisme, même maintenant, même en 2024, il pourra quand même toujours être reçu comme ça dans un salon de thé et faire un peu le beau, parce que, vous savez, l'antisémitisme peut être un peu philosophique et tout, vous pouvez passer pour érudit. Pour revenir à Soral et Dieudonné, pourquoi je pense à eux directement, c'est qu'en fait, ils ont fait sauter un verrou mental, c'est ce qu'a fait ça à quoi Rex faisait référence tout à l'heure, le verrou mental de l'antisémitisme. Donc maintenant, c'est devenu quelque part populaire. Alors, chez les Maghrébins, c'était déjà populaire avant, mais je veux dire, chez les autres aussi, show ananas, machin, tout ça, la fameuse porte en bois, le coup de coude, enfin, c'est devenu un gag maintenant. La visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles, assez vite. Moi, j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors, je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émissions de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi, parfois, l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Par exemple, Henri de Lesquin, par exemple, qui assume maintenant une sorte d'antisémitisme, alors on va dire un peu spécial, mais on va dire un antisémitisme, il fait quand même ce côté bourgeois et tout, il a gardé, et puis il est quand même reçu un peu à droite à gauche, parce que, voilà... C'est un antisémitisme, mais c'est un intellectuel, quelque part, donc ça passe. Et le deuxième verrou qui reste à faire sauter, maintenant qu'on a fait sauter le premier, c'est le verrou du racisme, qui est beaucoup plus dur. Parce que même si vous êtes un bourgeois, un intellectuel, etc., et que vous dites « Bon, écoutez, je suis antisémite, mais je suis aussi raciste. » Ah non, là, par contre, le racisme, c'est vu quelque chose de sale, c'est pour les prolos, c'est pour le peuple, ça, n'y touchez pas, on ne vous reçoit plus, on ne vous côtoie plus, voilà. Et un Henri de Lesquin ne pourrait pas accéder comme ça à une sorte de, va dire, de pourrait pas garder son aura en disant fermement que non, je suis raciste, mode, vous savez, raciste dans le sens où on entend raciste, quoi. Lui, maintenant, il fait non, je suis ethno-différentialiste, d'ailleurs, certains maghrébins sont des blancs, etc. Il fait une petite bouillie et tout, enfin, ça n'a aucun sens. Je fais une petite fixette sur de Lesquin, mais je trouve que c'est très... symptomatique du fameux bourgeois intellectuel qui assume le premier verrou, mais le deuxième, là, ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est celui-là qui doit faire péter maintenant. Parce que ouais. Soral et Dieudonné, merci, les gars, pour l'antisémitisme qui est devenu un peu fun. C'est cool. Je suis antisémite, c'est fun, génial. Mais si c'est pour faire un antisémitisme qui débouche sur une, on va dire, une politique juive, à savoir un peu la machination des égalités et réconciliations, maintenant, c'est. Oui, écoutez, il faut se réconcilier avec les patriotes musulmans. Quelque part, c'est pas une histoire de race et tout. Donc ça, c'est un programme juif. Donc si c'est pour être antisémite mais faire un programme juif, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a un troisième verrou, bien sûr, c'est le verrou des femmes. Parce que tu peux très bien rencontrer des antisémites racistes, mais après, dès que ça vient, dès qu'on touche les femmes, ah non, ça c'est le totem qu'il ne faut pas toucher. Ouais, bah, notamment là, bah, on a balancé quelques noms, etc. Dans ce que disait Ludwig aussi, je reconnaissais beaucoup Philippe de Villiers, par exemple, avec sa Sainte Jeanne d'Arc marron, marron teinté. Voilà. Dark, D-A-R-K. Oh. Voilà, excellent. Johanna Dark, D-A-R-K, ouais, ouais, je suis d'accord. Et ouais, en fait, ils sont tellement un peu mis à l'écart par certains aspects que, en fait, ça fait du bien d'un seul coup de se réintégrer dans cette société, notamment médiatique, en disant qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là. Finalement, moi, je professe ça, mais je ne professe pas ça. Vous avez vu, je suis à moitié gentil. Et puis, ça nous fait on a un esprit qui est un peu mûr pour autre chose. Vous prenez l'Action française d'après-guerre, qui avait la revue Aspect de la France, bon, pas de façon trop clandestine, hein, on va dire. Comme tu avais cette mentalité de le germain, c'est le barbare germanique, ils étaient encore plus mûrs pour qu'on leur enseigne la Shoah des années 80-90, une ou deux, trois décennies avant. Parce qu'ils avaient fait cette logique-là où, comme la race germanique, c'est le mal absolu, là, vous dites, vous, le national-socialisme allemand, c'est le mal absolu. Moi, je dis oui, mais aussi à travers ça, la race allemande. Et donc, en fait, on pouvait leur, à partir du moment où on dit que quelque chose est le mal absolu, il y a Jean Clodo dans la rue qui dit « Moi, j'ai vu ça, ça s'est passé. » C'est pris pour vrai par tout le monde, parce que c'est le mal absolu, donc tu peux raconter ce que tu veux. Ça, va, ça sera validé d'office, un peu comme à Nuremberg. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Et la mentalité d'Action française, limite, était encore pire à ce niveau-là. Après, pour d'autres sujets, et surtout à l'époque, ils n'avaient pas trop renié quand même. Ils étaient anti-maçons, anti-protestants. Enfin, je ne sais pas, il y avait peut-être de bons aspects sur d'autres lignes, d'autres points. Mais vous voyez, là, il y a un gros « i » qui est très à droite, en plus, si l'on veut. Donc, ouais, là aussi, hein, c'est faut savoir être un peu révolutionnaire conservateur. Quoi. Pas trop d'étiquettes. Si les gens, les ennemis nous embêtent, bah, ils ont qu'à en mettre si ça leur fait plaisir. Mais ouais, du coup, nous, on doit faire sauter les verrous. Bah, y a celui du racisme et celui de l'antiféminisme aussi. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des comportements de femmes en société. J'avais oublié de placer un petit truc. C'est quand même, il y a quand même les femmes très dégénérées et celles qui ont un minimum de décence. Et celles-là, qui sont même aujourd'hui, je sais pas, peut-être une petite majorité ou une grande minorité, je sais pas comment dire, mais elles ont quand même à côté de certains lieux dangereux, je ne vais pas les fréquenter, si j'y vais, ça n'est pas seul, ou si j'y vais, c'est pas à telle ou telle heure. Quoi. Et il y en a où, qui sont vraiment dégénérées, style boîte de nuit, etc. Elles rentrent vraiment à Barbès à 3h du mat, machin. Tu as quand même un certain nombre de femmes, bon, peut-être plus celles enseignement traditionnel, un peu catho, un peu campagnard, des choses comme ça, ces femmes-là, ok, en partie, sauf si elles sont vraiment dévergondées. Hein. Et après, il y a tous les profils. Mais je pense que quand elles sont un peu naturellement... voilà, la réponse est un peu plus rationnelle tant qu'elles ont un peu une éducation, voilà, un milieu masculin, patriotique, pas trop déglingué autour d'elles. Ça les cadre un peu plus. Ça marche aussi avec les hommes. Mais avec les femmes, c'est encore plus marqué et net, quoi, comme toujours, comme leurs émotions. Quoi. Voilà, je voulais enchaîner avec une exclusivité. Et pour le coup, je ne suis pas en train de faire la publicité mensongère. Une exclusivité avec l'apparition d'un nouveau site qui s'appelle Catholique sans concession, qui est dirigé par un abbé, monsieur l'abbé Louis Marcille, dont on va faire un peu de pub et puis dont on va parler maintenant. Vous avez entendu Catholique sans concession, ça vous fait peut-être penser à sans concession, par exemple, le blog de notre ami Vincent Renoir. Eh bien, en fait, oui, c'est un site en fait, qui s'occupe en partie de... Non, pas en partie, totalement d'ailleurs. De réfuter en fait les erreurs de Vincent Renoir lorsqu'il parle de la religion catholique. Alors, je précise tout de suite, nous n'avons aucune animosité envers Vincent Renoir, on l'a reçu dans l'émission. Et on le recevra peut-être encore à nouveau, s'il veut bien, il n'y aura aucun problème. Et on est d'accord sur quasiment tout avec Vincent, mais dès qu'il parle de religion, on est en désaccord profond. Voilà. Et donc, c'est un travail qui n'a jamais été fait actuellement, donc c'est tout nouveau, et je vous propose vraiment cette exclusivité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas pour le plaisir de créer de la polémique, ou même on veut pas du tout être en froid avec Vincent, hein, qu'on apprécie. Hein. C'est parce qu'en fait, on a entendu des gens qui ont été sensibles à certains éléments de discours de Vincent Renoir sur la religion catholique, certains même qui ont été convaincus et qui ont, je dirais pas apostasié, parce que c'est quand même pas de la faute de Vincent, il y avait déjà un fond au départ, mais en tout cas, qui sont éloignés de la religion à cause d'éléments apportés par Vincent, et il fallait absolument débunker ça. On peut pas laisser ça. On peut parler de révisionnisme librement, on peut parler d'histoire librement, on peut parler de tout ce qu'on veut librement. La religion est une chose très sérieuse, et si, à cause de nous, par exemple, quelqu'un se perd en enfer, mais s'il s'agit d'une seule personne, imaginons, c'est extrêmement grave. Donc, compte tenu de ceci, on voulait apporter déjà un peu de pub à ce site, et parler des sujets qui ont été invoqués par Vincent, dans lesquels on se dit, il se trompe, quoi. Le premier sujet, je vais laisser peut-être Rex faire une présentation du problème plus complète que la mienne, c'est la fameuse question de la nativité du Christ. Est-ce que ça a eu lieu ou non le 25 décembre? Et donc, voilà, Vincent Renoir professe que non, il apporte tout un tas d'éléments pour appuyer sa démonstration, et nous disons que oui. Est-ce que c'est bien ça, Rex, la première problématique qu'on voulait appuyer? Oui, c'est ça, puisque, bon, tu l'as dit, ça donnera un site dans le temps. Là, c'est une revue plus ou moins dans l'anonymat, mais qui commence à être diffusée sur les réseaux, et il y aura un site internet. Donc la revue est trimestrielle, donc tous les 3 mois, et il y a déjà 4 numéros. Donc pour l'année prochaine, il devrait y avoir un peu une officialisation de tout ça, et tout le monde en saura un peu plus. Donc pour le coup, ouais, ça fait vraiment exclusivité. On mettra les liens d'ailleurs, tout ce qu'il faut pour les contacts, etc., dans la description, si vous êtes intéressé, bien sûr. Du coup, la revue est... Donc c'est pour défendre la foi, et surtout à but apologétique, hein, il ne fait pas de la théologie pure, de l'ecclésiologie ou des sujets comme ça, c'est vraiment de l'apologétique pure. Ce sujet de la naissance du Christ le 25 décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, je me souviens qu'il y avait Dédé d'ailleurs, il y avait quelques autres intervenants. On parlait des païens qui voulaient absolument s'approprier la chose et dire que la déesse, je ne sais plus quoi, en faisant un calcul, et puis tu tournes la Bible, et puis les mecs, il jetait un document en l'air, ça tombait sous le côté pile, multiplié par l'âge du capitaine, ils arrivaient à prouver je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, ou style Oleg de Normandie, là, qui apporte des arguments farfelus, là, tout un raisonnement farfelu pour démontrer, soi-disant, comme quoi, en fait, le christianisme, ça a copié pas mal de choses, du paganisme, etc. Jésus, c'est le fils d'Odin. Et alors, je suis pas en train, il est fou. Hein. Le Christ est le fils d'Odin. Alors, il y a plein de gens qui me suivent de manière superficielle qui m'ont dit « Mais Oleg, ton nouveau concept de religion, là, il est bien mignon, mais c'est encore basé sur l'attente d'un sauveur extérieur. C'est toujours le même concept d'attente, etc. etc. » Non, c'est pas du tout ça, en fait. Tu vas voir que le sauveur, en fait, non seulement il est déjà là, il n'y a pas besoin de l'attendre, mais en fait, c'est un sauveur intérieur. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais la première chose, déjà, c'est de dire que le christo-odinisme, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qui est écrit dans les livres de pierre, dans les cathédrales, dans les pyramides, la grande pyramide d'Égypte, dans certaines églises. En fait, c'est ce qu'on appelle la révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça que les chrétiens l'appellent, ou la révélation de l'Apocalypse de Jean. Les deux noms sont valables. En fait, les chrétiens attendaient une révélation, voilà, depuis des siècles. Il se trouve que c'est un odinique qui l'a eu, voilà. Et depuis, je suis devenu christo-odinique. Les lettres du mot Jésus, alors le J, ça correspond à 10, parce que c'est la 10e lettre. Déjà, comme si cet ordre était respecté du temps d'Odin, avec leur rune, etc. Bref, ça n'a aucun sens. Et puis, il prend des textes païens, machin, il multiplie par je sais pas trop quoi, il souffle dans un côté, il traduit en allemand, du grec, du machin, hop. Tu jettes ça en l'air, tu mélanges, et à la fin, ça te prouve que en fait, Jésus, c'est le fils d'Odin, poète, tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si Charles prend un S. Si Charles prend un S, c'est parce que ça donne 66 en gématrie pour 666, la bête. Et ouais, des petits trucs comme ça, il y en a partout. Donc oui, tu as raison, notamment c'était Mithra, le dieu païen, où il y a des parallèles. Donc on va pouvoir répondre un petit peu à ces choses-là. Mais la revue, elle a un mode narratif un petit peu particulier qui essaye d'immerger un peu le personnage, parce qu'il y a différentes personnes, et finalement c'est un enseignement éducatif qui est un échange. Donc il y a telle personne qui parle, une autre, un contestataire, quelqu'un qui répond de façon argumentée. Et donc c'est comme ça qu'on avance et qu'on épluche le sujet. Typiquement, donc, il y a le dieu Mithra des païens dont on parle un peu de sa naissance auprès d'une vierge, etc. Mais finalement, il y a des textes païens qui disent qu'il sort d'une pierre. Et son culte est très tardif, ça n'apparaît que sous Trajan, par exemple. Donc, bien après même le Christ, quoi, c'est du paganisme plus tardif. Donc, en fait, ce parallèle ne tient pas vraiment pour diverses raisons, dont celle-ci. Et donc, l'abbé amène à lui certaines références littéraires, des sources et tout ça qui vient agrémenter. Et en plus, c'est assez anticonformiste. Ça ressemble pas mal à Oremus dans les lectures et les sources données, si vous voulez. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait qu'une courte vidéo de l'abbé Rioux disant Vincent Renoir, excellent révisionniste et piètre théologien, ou exécrable théologien, je crois, pour trouver le... Oui, exécrable. Le bon. Ouais. On mettra pareil le lien en description. C'est, encore une fois, c'est pas pour... D'ailleurs, l'abbé Rioux commence son intervention comme ça. C'est pas pour tailler Vincent qu'on apprécie. C'est pour faire de l'apologétique et répondre sur les questions essentielles de la foi. C'est ça le seul but. Donc voilà, je disais, c'est après les écrits du Nouveau Testament. Et même, il y a des choses intéressantes, par exemple Julien l'Apostat, donc, qui a apostasié et qui a fait opérer un retour, si j'ose dire, traditionnaliste paganiste, a été en plus fervent dévot de Mitra, comme c'est quelque chose d'assez tardif. Et en fait, malgré son aversion pour le christianisme, à aucun moment ce Julien l'Apostat a remis en question la date de naissance ou quelque chose, ou a fait un parallèle en disant « vous nous avez volé » ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant de voir dans les sources antiques que non seulement la pratique de ce culte limité païen est très peu présent, mais en plus, il n'y a pas vraiment les gens qui détestent le christianisme et le Christ et qui le rejettent, ne nient jamais son existence, un peu comme le ferait Michel Onfray, le prof de gauche, là, Boomer, machin, Provax et tout ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est même dans l'apologétique, et l'abbé ose un petit peu le faire, on peut presque, je dirais pas citer le Talmud, et encore moins favorablement, mais on peut se servir de la haine et du rejet qu'ont eu les Juifs après l'arrivée du Christ, ou certains d'entre eux, comme une attestation de l'existence du Christ. C'est l'air de rien, en fait, il nous appuie en s'opposant à nous. Et à aucun moment, d'ailleurs, le Talmud ou des choses comme ça, ils vont dire des choses scandaleuses sur le Christ, la Vierge Marie ou des choses comme ça. Et même Cels, le païen très anti-chrétien, il reprend cette source. Hein. Il dit la Vierge Marie avec un soldat romain, etc. Tout ça est repris. Bah, ces gens, finalement, ne nient pas l'existence christique. Ils l'attestent d'une part rejet. Et on peut se servir, de façon relative, on va dire, pour l'apologétique un petit peu de ces sujets. Et en fait, vous avez... Comme Flavius Joseph, justement, qui a pris le parti des Romains, qui était un fonctionnaire de l'Empire romain, en fait. Hein. Il n'était pas du tout chrétien, etc. Il n'est pas tout parti pris en faveur des nouveaux disciples du Christ qu'il connaissait, en fait, juste parce qu'il faisait des recherches, quoi. C'était pas un chrétien. Ouais, oui, c'est important, quand même, justement, voilà, de... Malgré leur rejet du Christ, comme tu as dit, Rex, ils ne rejettent pas son existence. Et c'est vraiment, ça permet à répondre à tous ces athées et anti-chrétiens qui disent, en fait, nos sources, au final, on s'appuie, apparemment, on s'appuie que sur la Bible et que voilà, si on veut démontrer quelque chose, ouais, on s'appuie uniquement sur la Bible, etc. Mais pas du tout. Il y a une pléthore de sources non chrétiennes qui corroborent avec. Avec les évangiles, etc., et les faits historiques, quoi. C'est ça, et c'est ce que l'on compte faire comme utilisation. Donc, vous avez un reproche qui est fait en outre Vincent Renoir, comme d'autres, où, du coup, la fête de Noël est instituée qu'au IVe siècle par le pape Liber. En fait, ils font référence à l'année 354, où ce qu'a fait le pape, c'est surtout inaugurer une basilique. Il a fait exprès de le faire le 25 décembre. Mais cette date du 25 décembre, il ne l'a pas sortie de sa poche à cet instant précis. Il reprend de la tradition enseignante de l'Église elle-même. Donc là, ça va nous emmener sur plusieurs controverses. C'est que le pape, déjà Marc, lui, en janvier-octobre 336, il a déjà établi un calendrier des fêtes liturgiques, on l'appelle le calendrier philocalien. Et selon ce calendrier, si vous traduisez les dates, donc vous retombez directement sur le 25 décembre. Et dès le début du IIIe siècle, on a même Hippolyte qui enseigne la naissance du Christ un mercredi, le mercredi 25 décembre. Alors lui, il le disait, je crois, peut-être pas de l'année 0 pour le coup, peut-être l'année de 42 ou quelque chose comme ça, dans le contexte d'époque, on va dire. Donc toute l'Église s'est pas forcément accordée à l'instant T ou des choses comme ça. Mais il y a plusieurs choses, et c'est qu'en Orient, on le faisait plutôt le 6 janvier parce que c'est un peu le moment public du Christ, où les trois rois mages viennent du monde pour l'adorer et montrer au monde que c'est lui l'enfant divin. Ce qui fait que les orientaux ont eu tendance à penser à ce moment-là que sa naissance était plutôt le 6 janvier. Et en fait, Saint Jérôme, un chrétien romain des premiers siècles, a bien répondu à cela. C'est les Romains savent mieux la date que les orientaux. Pourquoi ? Les apôtres, vous les avez chassés, tandis que nous les avons accueillis. Donc la tradition enseignante de l'Église depuis Rome a mieux trouvé cette date-là, si vous voulez. Donc ça, c'est un élément franchement très important à mentionner, ce me semble. Là, vous avez mentionné Fabius Joseph. Il était un peu original, lui, parce que c'était le chroniqueur de la Palestine, en fait. Donc c'est pour ça qu'il parle de divers sujets, sans dire tout. Hein, par contre, il avait un truc curieux, c'est que c'était un juif qui disait qu'il y avait un messianisme qu'il appliquait aux Romains. Bizarrement, oui, je précise, c'était pas un romain, c'était un citoyen romain, comme Saint Paul était citoyen romain, mais effectivement au départ c'est un juif qui restait fidèle au judaïsme, on va dire pré-chrétien, et qui du coup avait des raisons d'en vouloir aux chrétiens. Il était contre ça parce qu'il voyait ça comme une secte. Donc c'est pour dire à quel point le type il était pas pro-chrétien, quoi. On peut pas lui faire dire qu'il avait un parti pris en faveur des chrétiens, ça n'a pas de sens. On peut se servir même de la tradition byzantine. Vous savez que bon, l'Église grecque, la patristique, les premiers siècles, il n'y a pas de schisme ou de problématique de ce genre. Donc, dans la patristique et oui, l'apologétique catholique chrétienne, on se sert également de ça. On a Saint Basile de Césarée sur les lettres grecques, comment bien les lire, comment profiter, tirer la vertu uniquement des textes, des choses comme ça. Et bien là, l'Église byzantine, elle s'était prononcée aussi sur la conception de Saint Jean-Baptiste à 23 septembre. Soit ensuite 6 mois après, vous avez la conception enfin l'Immaculée Conception et l'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie. Et donc à compter de là, vous attendez encore 3 mois. D'ailleurs 23 septembre, c'est la conception Saint Jean-Baptiste, et le 25 mars, c'est l'Annonciation. Ça nous emmène ensuite au 25 décembre pour la naissance. Donc même la tradition byzantine de l'Église nous aide à ce niveau à conclure, si vous voulez. Et il y a même un document, bon, les lecteurs pourront le découvrir dès que ça sera... D'ailleurs, les modalités ne sont pas tout à fait définies, et c'est l'abbé qui verra, entre autres choses, ou l'équipe concernée. Peut-être que les PDF seront gratuits, peut-être en entier, c'est vraiment, tout cela est un peu à déterminer, c'est un peu un truc, une affaire qui germe, si vous voulez, mais très important, et qu'on accueille les bras ouverts, puisque en effet, personne, aucun catholique dans le milieu, avait encore vraiment répondu. Il y avait l'ancienne page Tradition catholique qui nourrissait le débat. Vincent Renoir avait fait réponse à un catholique, en partie, voire en bonne partie, en réaction à cela. Et il y a un nouvel ouvrage qui est sorti, où il explique pourquoi il a apostasié, etc. Il y a quand même 180 pages. Finalement, ça donne un peu plus de boulot à l'abbé qui doit encore répertorier quelques dizaines d'erreurs supplémentaires. Et en 1947, par exemple, au lendemain de la guerre, vous avez un pasteur bédouin qui était tombé en recherchant sa brebis sur un document qui nous aide encore. Et donc, pareil, des manuscrits bibliques qui ont tendance à vraiment parler de rédiger vers la 50e année et tout ça, donc vraiment avant la destruction du temple ou des choses comme ça, comme quoi c'est vraiment rédigé dans les environs de Judée ou quoi. Ouais, c'est les manuscrits de Qumran, non ? Exactement. Oui, voilà, ouais, juste après la guerre, ouais, ils ont découvert cela. Ouais. Il y a la référence Werner Keller aussi, la Bible arrachée au sable, qui... Je ne sais plus, il parle aussi de l'étoile de Bethléem. En fait, on a plein de documents, et c'est ça qui est intéressant, ça permet d'attester. Et comme on l'a dit mille et une fois à Oremus, attention quand vous commencez à nier l'existence du Christ en tant que, entre guillemets, personnage de l'Antiquité, puisque l'Antiquité, si vous niez son existence alors que c'est le personnage, entre guillemets, humain et divin, sur lequel il y a le plus de textes et d'attestations, et qui a été le plus honoré par la suite, d'ailleurs, entre tous, bien plus que Jules César ou les Augustes ou quoi. Donc voilà, si vous niez l'existence du Christ, malheureusement, niez tout, devenez pire que récentiste. Il n'y a plus de Jules César, il n'y a plus de Cicéron, il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de Théodose, il n'y a plus rien. C'est vous effondrer. L'Europe est une vaste hutte de terre, un peu pire que l'Afrique. Les textes de l'Évangile ont été écrits par autant de contemporains, ça c'est certain du point de vue historique. Et ces gens-là, les gens qui ont vécu, qui ont connu Jésus, étaient encore vivants. Donc beaucoup ont donné leur vie pour dire ça c'est vrai. Tout le démarrage de l'Église chrétienne, c'est des gens qui ont donné leur vie en disant que c'était vrai. Donc d'un point de vue de la raison, quand on regarde ça, on se dit, il y a un phénomène étonnant au niveau de la véracité des textes. En fait, on ne meurt pas pour ce qu'on sait être un mensonge. Si vous savez que c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir pour ça. Et donc si des contemporains ont accepté des textes comme ça et des témoins comme ça, c'est qu'il y avait une valeur de vérité. Et ce qui est très fort aussi, c'est que dans toutes les églises, on réclamait des textes de l'Évangile. Donc il y a eu des copies extrêmement rapides, contemporaines de ces apôtres, qui sont partis dans tous les coins du monde. Et aujourd'hui, on peut dire que le texte de l'Évangile est de très loin et sans comparaison le texte le mieux conservé du monde antique. Pourquoi ? Si vous regardez tous les auteurs de la Grèce, de Rome, de tous les auteurs du monde antique qu'on a, en fait, on a deux seulement des copies qui sont pour la plupart du Moyen-Âge, donc d'une distance de 800 ans, 1000 ans, et quelques dizaines de copies, dans le meilleur des cas. La guerre des Gaules de Jules César, c'est 10 exemplaires seulement. Et dans tous les autres, Hérodote, c'est 8, enfin des trucs comme ça. Pour les évangiles, on a des textes qui datent de manuscrits qui datent de 1 siècle ou 2 et non pas de 7 ou 8 siècles, et il y a 5000 manuscrits grecs, 10 000 latins, 9000 autres et 36000 citations chez les pères de l'Église. C'est-à-dire que, comme c'est parti dans tous les coins du monde et que ça a été traduit dans toutes les langues, et vous avez aujourd'hui ces versions qui existent, et vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Et voilà, je rebondis un petit peu aussi sur cet ouvrage. Le catholicisme romain, un concept ignoré de Jésus, un peu libéral, un peu protestant, c'est le sous-titre de l'ouvrage qui est sorti en septembre dernier de Vincent Reynoir, hein. Et j'allais dire, c'est pas un cas si isolé, puisqu'on avait parlé brièvement un peu des effets bouddhistes et New Age dans le milieu. Pierre-Yves Rogeron est avec une asiatique, une cambodgienne, je crois. Il y a Didi 18, très bon sur certains textes nationaux-socialistes à réactiver et tout ça, mais qui professent des choses comme la réincarnation, des choses comme ça, et même Virginie Vota, dernièrement, qui a basculé en ce sens-là. Donc finalement, ça a l'air de contaminer à droite. Avant, on avait les relativistes gauchistes exotiques qui adoraient ça. Là, ça fait un opère à glissement où même des gens comme ça s'intéressent. Je pense pas que ce soit vraiment à la pure théologie hindoue, genre l'autre déesse, elle a 10 bras ou 18 bras, mais voilà. Et puis bon, pour revenir juste à ces questions historiques, que voilà, c'est pas parce que faut accepter que l'Antiquité, on a des traces très très fragmentaires, c'est normal, on ne conservait pas autant les documents et les sources aussi bien qu'avant, donc c'est pas parce qu'on a on n'a pas de preuves à l'instant T que forcément, c'est un récit, ce récit en particulier, il n'a aucun fondement, parce que voilà, nos anciens, ils avaient accès à des sources que peut-être que nous, on n'aura peut-être jamais accès, auxquelles on n'aura jamais accès, mais qui existaient bel et bien, et donc ça vient pas de nulle part non plus, mais voilà, faut quand même accepter que quand on veut faire des recherches historiques sur l'Antiquité, et en particulier sur les premiers siècles du christianisme, faut accepter que c'est très fragmentaire, on n'a pas toutes les sources à disposition, et c'est pas parce que selon les sources qu'on a à disposition, tel récit on considère que tel récit n'a pas de fondement, alors que sûrement, oui, c'est le cas. C'est variable tout ça, alors on ne sait pas pourquoi, mais des fois on a beaucoup de preuves pour des éléments qui sont d'une importance secondaire, et puis pas beaucoup de preuves pour des éléments qui sont plus, essentiels, parce que voilà, ça se perd à travers le temps, on ne peut pas tout contrôler, quoi. Par exemple, il y a un élément du recensement du Christ au temple de Jérusalem, on va dire que ce n'est pas un élément aussi fondamental que la passion du Christ, par exemple, où là, par le coup, on a des tas de documents qui viennent des Juifs, des Romains, des gens qui parlent un peu de cet événement-là, qui ont, on va dire, pourquoi pas, après tout. Mais ça, du coup, ça, pour revenir à cet événement-là, ça, par exemple, c'est une preuve supplémentaire qui prouve que la naissance du Christ a bien eu lieu le 25 décembre. Parce qu'en fait, les Romains faisaient les recensements pas pendant les récoltes, donc en fait juste après, une fois que les récoltes ont été effectuées, et le recensement bien sûr a eu lieu après, juste après la naissance. Donc en fait tout ça, ça colle parce que on faisait ces recensements, on va dire, plutôt vers l'hiver. Et donc les gens qui nous disent « Ah bah du coup, nous on a des dates, etc. et ça tombe en été », non, c'est prendre les Romains pour des débiles. Alors même si vous n'avez pas d'affinité particulière envers l'Empire romain, moi je trouve ça, c'est un empire qui me fascine, j'irai jamais dire que les Romains c'était des débiles, c'était des gens qui étaient hyper organisés. Donc c'était des éléments qui rentraient évidemment en compte dans le gouvernement de l'Empire romain. Ils faisaient jamais des trucs par hasard, ces gens-là. Une communauté organisée. Voilà. Non, mais les Romains qui font des trucs comme ça par hasard. Les types, ils étaient... Il n'y a pas juste la Légion qui était militaire, en fait. Même des citoyens romains, c'était des militaires dans l'âme, quoi. Tout était... on dirait des Allemands, en fait. Tout était carré. C'était un peuple de paysans, et puis il y avait la racine aristocratique indo-aryenne qui influençait pas mal, voilà, un petit peu au préalable. Mais ouais, c'est à la différence du grec, entre guillemets, moins plouc, donc d'un haut niveau intellectuel et culturel, a priori... généralement plus supérieurs, et c'est pour ça qu'ils ont influencé un peu le magistère, la religion païenne sur les Romains. Par contre, les Romains avaient la force d'empire, et c'était un peuple démographique puissant qui avait le côté un peu paysan. C'est y a plein de mots pour parler de la variante d'une table et des choses comme ça en latin antique, des choses qui se perdent davantage dans notre langue, ou des tonalités de la pluie. Là, vous savez, les mots selon les régions de France, ils changent un peu. Certains ils vont dire ça brimouille, d'autres je sais pas quoi. C'était langue très riche sur des trucs très particuliers qui étaient liés à leur quotidien et tout ça, donc c'est assez fascinant à analyser en soi. Sur le deuxième élément qui est de réponse de catholiques sans concession, avec, je fais tout de suite une parenthèse, que vous savez que j'aime bien faire de la pub, il est possible même que parmi les prêtres de ce collectif sans concession, on puisse recevoir une personne de ce collectif, un prêtre, chez Oremus. C'est même plus que probable, voilà. J'ai fait un peu de pub, là. Ça pourrait arriver prochainement, tenez-vous prêts, voilà. On peut parler du massacre des saints innocents et de la fuite en Égypte. Donc, c'est des éléments qui sont niés par Vincent Lenoir. Donc, je rappelle, le massacre des saints innocents, c'est le roi Hérode de Palestine qui a fait massacrer les premiers-nés de sexe masculin à travers une période bien définie, parce qu'en fait, il avait eu vent de la naissance du fameux roi des Juifs et les peurs de perdre son trône. Voilà. En gros, c'est ça le pitch. Donc, Rex, je crois que tu voulais apporter des éléments, toi, qui prouvent que ce massacre des saints innocents a bien eu lieu. Oui, et les deux sujets vont un peu l'un dans l'autre, puisque comme il y a un massacre, il y a une fuite et une destination privilégiée pour des peuples hébraïques et juifs à l'époque. C'est évidemment l'Égypte qui est voisine, qui est un bon créneau. Et bon, après, ça engendre des histoires avec Pharaon également, dans la Bible comme dans le Nouveau, enfin, surtout dans l'Ancien Testament, là, pour le coup. Et donc là, bon, comme toujours, l'abbé nous emmène dans une petite histoire. Donc il y a un peu un collage cathotradie qui dégénère avec des communistes. Et puis ça part un petit peu en controverse, si vous voulez. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un petit peu des mises en contexte un peu sympathiques et humoristiques aussi, des fois. Et des petites taquineries pas méchantes sur la forme vis-à-vis de, bon, des rationalistes en général. Et on sent que, du coup, les propos de Vincent Renoir sont un petit peu dans l'eau, puisqu'ils sont même un peu épinglés au cours de la revue. Je disais qu'il y a des références sympas. Abel Bonnard, Robert Brasier, au détour des phrases, peuvent être citées un peu ici ou là, si vous voulez. Et d'ailleurs, il commence en parlant de Chesterton, en disant qu'il faut un peu se donner finalement des raisons de soutenir la foi. Même si la foi, si on fait un acte de foi, on croit en tout ce que l'Église nous enseigne, parce que c'est notre mère, le magistère solennel enseigne infailliblement, et qu'on est porté à croire, et que c'est dans notre acte de foi, donc on croit à 100%. C'est pas « je crois à 99%, je crois au massacre des saints innocents, mais je ne crois pas en la fuite en Égypte », par exemple. Quoi. Donc en effet, on a ça. Et puis il y a le côté un petit peu adhésion rationnelle, sans être rationaliste, tomber dans la matière pure ou des choses comme ça. Donc je recommence un peu le traitement. Vincent Renoir a des tendances, et avec lui d'autres, finalement, ce sont des objections qui ont été déjà faites par d'autres. Très souvent, il n'y a pas grand-chose d'innovant ou pas du tout. Mais après, il fallait un peu actualiser la réponse. C'est pour ça que c'est toujours très bon que l'abbé ait interagi donc là et réagi. on oppose un peu genre l'évangile de Matthieu et de Luc. Genre Matthieu relaye cet événement, mais pas Luc. Alors comment ça se fait? Il aurait dû. Bon, c'est un peu le, vous savez, le silence de Pie XII pendant la guerre, les choses un peu complotistes gauchistes d'après la guerre. Bah là, c'est un peu le silence de tel ou tel évangéliste contre l'autre. L'abbé répond, mais on pourrait peut-être parler de silence approbateur, ou alors simplement, il a envie d'écrire sur ce qu'il a vu, entendu, et ce sur quoi il avait envie d'écrire. S'il n'en a pas parlé, on va pas lui faire le procès, mais monsieur, vous n'avez pas parlé de ça. Bon, bah là, c'est un petit peu ce qui est fait. Mais bon, les objections existent, il faut en tant que catholique même accepter que certaines gens se posent des questions ici ou là, et en effet, en acceptant ça, on ne donne pas des concessions par contre. À partir du moment où vous concédez sur un point, comme dit Abel Bonnard justement dans Les Modérés, vous finissez par avoir perdu votre petit doigt, et après le petit doigt, la main, tout le bras, et vous êtes mangé, quoi. Donc attention, c'est ce qu'on fait le modernisme, même au 19e siècle et tout ça, hein. Il lâche du lait sur un truc, et puis à la fin, il y a toute la foi qui finit par partir avec, quoi. Une des preuves, on va entrer dans le sujet directement, une des preuves qui, pour ce massacre des saints innocents, c'est la personnalité d'Hérode lui-même. C'est-à-dire que Hérode était fou, il était complètement paranoïaque, il avait peur pour son trône. Il a fait assassiner plusieurs de ses fils, je crois qu'il a fait aussi assassiner sa femme, une de ses femmes, parce qu'il était polygame. Pareil, encore une fois, Flavius Joseph fait partie des sources pour cet événement-là. Donc, qu'on vient de pas dire, c'est des sources chrétiennes. Donc, quelque part, c'est en accord avec sa personnalité, quoi. Les gens vont dire, ah, quand même, c'est un peu exagéré. Et le mec, il était dingue. Alors, il était dingue. Je précise que je parle d'Hérode, on est en train de parler d'Hérode le Grand. Hein. Donc, non pas Hérode Antipas. Vous savez, celui qui était, on a présenté Jésus devant Hérode Antipas après Pilate et après il est revenu chez Pilate. Ce sont deux personnages différents. Hein. Donc, Hérode Antipas, celui qui a côtoyé directement le Christ adulte, c'est le fils de Hérode le Grand. Donc, c'est Hérode le Grand qui a fait le massacre des saints innocents et qui était complètement paranoïaque. Hérode Antipas était un peu spécial aussi dans son genre, mais dans d'autres registres. Lui, il avait des problèmes d'impureté, etc. Et il avait quand même montré une chose qu'on ne pouvait pas imaginer pour Hérode le Grand. Il avait montré quand même des signes de remords lors de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, qui au départ, Hérode Antipas appréciait Saint Jean-Baptiste. Mais lorsque Saint Jean-Baptiste a mis Hérode Antipas au pied du mur, en lui disant, bah écoutez, moi je vais dénoncer les impuretés, et notamment toi, Hérode Antipas, parce que t'es incestueux, ce qui était le cas. Là, voilà, par contre, il l'a fait décapiter. Et sur ces présentations des événements, d'ailleurs, par deux personnes différentes, l'abbé arrive à faire un beau parallèle pour dire comme quoi c'est pas une preuve absolue, une remise en question absolue. C'est que vous prenez Sueton, Tacite, sur la guerre des Gaules avec Jules César, ou ce qu'on dit, la guerre des Gaules, il y a une deuxième source, Florus, et ben là il y a quand même 150 000 soldats de différence dans les mentions, et c'est pas la seule chose qui diffère dans la description. Et pareil, il donne un exemple, Napoléon à Waterloo. Stendhal et Victor Hugo n'ont pas le même âge, ils s'expriment tous les deux sur la chose, poétiquement ou de façon romancière, et ce qui est dit n'a rien à voir, si j'ose dire. Donc voilà, encore une fois, évangile de Matthieu contre Saint-Luc et inversement, là c'est pas absolu. Vous savez, je disais, on peut servir limite du Talmud en tant qu'apologétique avec des pincettes. L'abbé ose autre chose, les évangiles apocryphes, qui sont écrits plus tardivement et qu'on attribue plus ou moins à un nom d'un apôtre connu en règle générale, mais c'est probablement faussement. Alors, est-ce que tu me permets de faire une... Je vais te laisser terminer, après j'aimerais bien rebondir sur les apocryphes, je voudrais apporter des précisions là-dessus, parce que c'est souvent assez incompris, mais je t'en prie, termine ton propos, Rex, pardon. Ok, je t'en prie. Donc, mon propos sur les évangiles apocryphes, c'est, bon, l'Église ne les a pas retenus, ils sont au nombre de 4, et peut-être une petite dizaine de ce genre, parce qu'en général, il y a toujours des tropismes, des trucs un peu étranges, et donc ça paraissait moins crédible, on pouvait moins s'y fier. Je sais pas, l'évangile essénien, il y en a qui aiment bien, bah oui, c'est un peu vegan entre guillemets. Il y a celui de Thomas qui est très gnostique, donc limite, je sais pas, des francs-maçons peuvent adorer ça, j'en sais rien. Mais selon ces sources, bah, vous avez des événements qui sont soulignés. La cruauté d'Hérode, la colère d'Hérode, la fuite en Égypte, la Sainte Famille. Des fois, c'est soit un élément, soit l'autre, soit les deux. Et donc, ils sont, voilà, on peut les utiliser un peu dans notre apologétique. Il y a celui proto-évangélique de Jacques, donc on appelle, je ne sais pas si on peut dire soi-disant comme ça, mais vous voyez, ça mentionne Élisabeth, donc la cousine de la Vierge Marie, mère de Jésus. Attends, je rêve, vous t'as dit cousine au lieu de ta cousine, parce que tu parlais d'une femme. Ah ouais, j'ai fait peut-être lapsus un lapsus révélateur. Je l'ai peut-être fait, j'ai pas fait attention. C'est magnifique, je change rien. Ouais, ou alors c'est l'accent du pasteur africain, ouais, peut-être. Donc ouais, la cousine, autant pour moi, est relatée sur le fait qu'elle apprend un massacre d'enfants à Bethléem qui emporte Saint Jean-Baptiste à cet effet. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur le fait même de Hérode et les bébés, il y a aussi la négation par... on dit c'est invraisemblable de violence, par exemple. Alors on s'imagine le giga carnage, 6 millions de morts. 6 million Jews wickedly killed in gas chambers by the Nazis. Ooh. Et en fait, les chiffres où on se met le plus d'accord, c'est à peine quelques dizaines et le grand maximum serait 50 personnes. Eh oui, parce que Bethléem à l'époque, déjà encore maintenant, mais Bethléem à l'époque, mais c'est rien, mais c'est un petit village, mais il y a quelques habitants comme ça qui se battent entre eux. Qu'est-ce que vous voyez, c'est une petite bourgade. Non, mais vraiment, c'est tout ça. Petit, quoi. Donc, faut pas s'attendre à ce que ce soit pas dans toutes les pages du Grand Larousse, évidemment. Excusez-moi. C'est clair, oui, c'est comme si y a un viol au fin fond du Limousin. Bon, bah, oui, on entendra peut-être un peu parler aujourd'hui avec les méthodes et F de souche, mais voilà, là, si on se remet dans le contexte d'époque, c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'est-ce qui a un peu limité ce génocide par euthanasie nazie ? Non, pardon, je mélange les sujets. C'est le fait que, probablement, on a ciblé des enfants qu'entre 0 et 2 ans, que dans cette bourgade, donc en effet il n'y a pas grand monde déjà, et probablement aussi que les bébés de sexe masculin, donc ça divise par 2 à peu près le génocide, si j'ose dire, pour employer des mots modernes. Mais voilà, donc si on a un peu une image de grande violence, alors il y a du vrai, parce que Hérode est complètement cinglé, il a peut-être pas pu lire à l'époque Laurent Glosi, mais il était cinglé par contre. Oui, il y a un lien entre les deux, ouais, effectivement. La lecture de Laurent Glosi, c'est pas bon pour la santé mentale. Disons que tous les fous ne sont pas forcément fans de Laurent Glosi, par contre, tous les fans de Laurent Glosi sont fous. Hein. C'est un peu comme les Arabes voleurs, pas tous voleurs, mais pas tous Arabes, mais quand même. et juste petite parenthèse, bon, ça a un peu rien à voir, mais bon, je suis un petit peu mon historien. Le terme génocide, ça a été créé en 1944, comme par hasard, par un réfugié juif d'origine polonaise, Raphaël Lemkin. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. J'ai dit que j'apportais des précisions sur le terme apocryphe, qui donc, Rex a bien dit justement, j'ai bien aimé comment tu as amené ça, c'est des textes qui n'ont pas été validés par l'Église. Ça ne veut pas dire que, si vous prenez un texte apocryphe, ça ne veut pas dire qu'il est forcément faux. Un texte peut être apocryphe, mais il peut contenir, par exemple, prenez un texte qui parle de Jésus, qui raconte, par exemple, je ne sais pas, qu'il aurait fait des miracles, je sais pas, qu'il aurait guéri des aveugles, donné de l'argent à des pauvres, etc. Et des choses qui ne seraient pas relatées dans les évangiles, ça peut être considéré comme un texte apocryphe qui n'a pas été retenu parce que, par exemple, c'est un texte trop historique, ou juste qui n'apporte pas grand-chose, ou qui n'a pas de dimension spirituelle, ou en fait, dont l'auteur, on ne sait pas trop, enfin bref. Il peut avoir tout un tas de caractéristiques qui vont faire que ce texte est apocryphe, mais le fait de dire « c'est apocryphe, donc ce qu'il y a dedans, c'est faux », non, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste, vous savez, le fameux tampon de l'Église, ce texte apocryphe ne l'a pas. Il y a des moyens de savoir effectivement qu'un texte est faux ou apocryphe ou les deux. C'est par exemple les éléments gnostiques, dont le fameux évangile de Thomas, qu'a mentionné Rex, ou alors l'évangile de Pierre, que je mentionne ici, qui sont des évangiles très très très gnostiques. Celui de Thomas, beaucoup plus que celui de Pierre. Et, précision importante, quand vous entendez évangile de Thomas, attention, évangile de Pierre, etc. L'évangile de Pierre, c'est pas Pierre qui l'écrit, c'est pas un secrétaire de Pierre, etc. C'est une figure de style de l'époque, où en fait, la façon de l'époque de faire une publicité, il n'y avait pas Amazon. Donc en fait, l'évangile, etc., on mettait évangile de Pierre, parce que c'était une manière de populariser l'écrit. Pierre n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est pas le fait de dire que l'évangile de Pierre, par exemple, mérite de finir dans un carton et pas exposé, c'est pas une insulte envers Pierre, c'est pas lui qui l'écrit, il y est pour rien. Voilà, tout, c'est pour cette, ces précisions, on va dire, sémantiques, mais c'est important dans de définir les termes. Oui, tu dis bien. Et puis, toi qui avais parlé de la cruauté d'Hérode, même Fabius aussi en atteste. Donc, on a d'autres sources. Et les évangélistes qui ne disent pas toujours la même chose sur tout, et c'est tant mieux, au final, se complètent harmonieusement quand on dézoome. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, d'autant que quand ils vont parler d'un même événement, pour le coup, ça se rejoint. Donc, voilà, il ne faut pas craindre qu'il manque un sujet chez l'un et chez l'autre. D'ailleurs, vous avez à ce sujet les quatre évangiles en un seul, que j'avais lu lors de mon dernier carême, d'ailleurs, qui est une excellente lecture, qui retrace en plus les quatre évangiles, traduction traditionnelle avec commentaires catholiques, en notes de bas de page, et qui met en plus chronologiquement la vie du Christ. Vous avez avant ses 30 ans et les 3 ans de ministère public, qui est un peu retracé dans ce qu'il aurait fait vraiment dans l'ordre. Et ça, c'est un document d'apologétique. Ça n'est pas le seul, il n'est pas cité par l'abbé. L'abbé avait cité « Les évangiles sont des reportages », par exemple. J'avais entendu parler de cet ouvrage la première fois, je pense au MJCF, qui aime bien ce bouquin, qui donc montre que c'est un peu un travail journalistique d'époque, que c'est un document scientifique. Et on en parlera peut-être un petit peu aussi avec Saint Matthieu sur un peu les datations, des choses comme ça. Effectivement, bah, si vous avez plusieurs personnages qui ont des points de vue différents, c'est normal qu'ils ne racontent pas exactement la même chose. C'est comme vous êtes témoin d'un accident de la route, et bah, vous voyez exactement, lui il n'a pas freiné, etc. Et l'autre il avait le feu rouge, lui il ne regardait pas, lui il était au téléphone. Et puis ça va être différent du récit que de celui qui était au volant et qui a tapé dans un mur, quoi, forcément. Mais à la fin, ça n'empêche pas qu'il y a eu l'événement quand même qui a eu lieu, le fameux accident. C'est juste que voilà, vous avez des points de vue différents. Pour les évangiles, ça s'explique souvent, déjà la personnalité des différents évangélistes, évidemment. Ils n'ont pas forcément connu toutes les mêmes choses. Si vous voulez, à un moment donné, lorsque Jésus décide de grimper sur la montagne et d'être accompagné par Pierre, c'est normal que le petit disciple du coin, etc., il ne le marque pas dans ce bouquin parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Jésus n'a pris que ses favoris. Mais c'est un petit comité, donc ils ne vont pas le marquer. Ou alors, certains apôtres ont rejoint le Christ en cours de route un peu plus tard, donc ils ne vont pas marquer les événements. Ou alors, pour reprendre le cas le plus typique, c'est le cas de l'évangile selon Saint Jean. Écoutez, l'évangile selon Saint Jean, il a été écrit après les autres. Donc en fait, Saint Jean, il n'a pas voulu. Donc il a pris connaissance des éléments et il en a rapporté, on va dire, il a fait plein d'un tas de références dans son évangile, mais il ne voulait pas répéter ce qui a été déjà dit quelques années plus tôt. Les évangiles des autres étaient déjà assez diffusés. Donc c'est pour ça que lui, il apporte des trucs, on va dire, plus personnels, uniques, que les autres ne racontent pas. Mais c'est normal. Écoutez, Saint Jean, il a vécu, c'est le seul apôtre qui n'a pas été martyrisé, il a vécu encore bien plus tard par rapport aux autres, il a vécu très vieux, il était sur son île comme ça en face de la Turquie, en Grèce actuelle, je crois. Ou l'inverse, je ne sais plus exactement à quel pays appartient cette île d'ailleurs à l'heure actuelle, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une histoire de point de vue tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Here comes a new challenger. J'ajoute que Longinus vient de nous rejoindre. Longinus, bonjour, comment ça va? Bonjour à tous, ça faisait longtemps, hein. Désolé, hein. Très occupé avec le ministère de la déportation et de la vertu, il y avait du boulot à faire, hein. Je vous garantis que les trains ils étaient à l'heure cette fois. On t'avait annoncé en cours de route. La ponctualité allemande. Alors là, pour être à l'heure, même on a dû s'excuser, on était même en avance des fois. Ah bah c'est le zèle allemand, encore une fois, germanique. On fait plus que ce qu'on nous demande. Hein. C'était caractéristique des officiers SS, hein. Toujours exactement, dans le zèle. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Bon, bah, eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. À côté, t'es une majorette, excuse-moi de te parler comme ça. Son grand-père, Nathalie. Oh, bah, attends, la légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains à lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre ». À tel point qu'apparemment, certains sont en train de revisiter le chiffre des 6 millions pour dire qu'il y a maintenant 15 millions. Quelle efficacité! Ah oui, c'est vrai, le CRIF a publié un truc là-dessus, maintenant 15 millions, demain 500, on ne sait pas. Il va falloir dire qu'ils s'arrêtent lorsqu'ils dépasseront la population mondiale. Ouais, c'est... Mais ce qui est vraiment attristant, je dirais, c'est quand même ben, pour pouvoir tuer autant de gens en si peu d'années, ils avaient accès à une technologie vraiment qui dépasse tout ce qu'ils avaient à l'époque. Mais c'est dommage parce qu'on n'a plus accès aujourd'hui. Les extraterrestres de Laurent Blosy, comme par hasard, toute cette technologie qu'ils avaient utilisée pour tuer autant de gens en si peu de temps. Bah finalement, on n'utilise plus, finalement, ça a disparu bizarrement, je sais pas. Bah c'est impossible de la reproduire. Hitler est pire que Hérode, tu vois, pour revenir sur notre sujet. Mais Vincent, disons, oui, on parlait de Vincent Renoir. Vincent Renoir avait offert 5000 francs, je crois, à l'époque, à quiconque pouvait le prouver le truc des champs à gaz. Puis il avait dit, d'ailleurs, je vous propose de me gazer. Il avait dit, gazez-moi. Oui, j'avais vu exactement ça. Oui, oui. Et oui, par rapport justement à ce pari, il avait publiquement annoncé, si quelqu'un arrive à me prouver que voilà, les chambres à gaz, ce ne sont pas un mythe de propagande, il donnerait 5000 euros. Et d'ailleurs, il y avait eu le juif Antoven qui s'était publiquement exprimé là-dessus. Et dans un discours sophiste purement juif, il disait ah mais non mais en fait c'est pas à nous d'apporter la preuve, c'est pas à nous qui incombe la charge de la preuve, tu vois. Non finalement c'est à Renoir de me prouver que ce que je dis c'est n'importe quoi. Bah, il aimerait bien Vincent, mais on laisse pas parler. Bah ouais, c'est ça l'hypocrisie, c'est que bah ok pourquoi pas mais vas-y prouve-le d'accord. Alors, je vais commencer par non en bah fait, c'est à partir du moment où on a eu le tribunal de Nuremberg où on a porté de fausses accusations, finalement on a jeté aux orties ce qui a été fait durant l'inquisition, qui était en fait ce que l'inquisition nous a apporté, qui était extrêmement bien, c'était vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Et ben non, depuis le tribunal de Nuremberg, sur certaines questions non vous êtes, c'est bon, on a les preuves, vous êtes déjà coupable, alors qu'on avait les preuves que par exemple aux États-Unis ils étaient obligés de faire le vide, de vider l'air, une grande partie de l'air de la chambre en question lorsqu'ils essayaient d'exécuter un prisonnier. Ils ont d'ailleurs abandonné cette technique puisque c'était absolument pas rentable. C'est con parce que c'est simple, hein, il suffit de balancer quelques femmes dans une pièce, normalement elles pompent l'air. Oui. Mais il me semble que les talibans ont réglé le problème. Ah oui, les fameux talibans. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, Bobby, effectivement, Vincent Renoir, il aimerait bien apporter la charge de la preuve, mais voilà, s'il prononce ne serait-ce qu'un seul mot de sa bouche, ce sera comme Alain Finkielkraut, taisez-vous. On peut conclure, j'ai quelques petites choses à dire, et puis même Longinus va pouvoir rebondir un peu dessus, mais on reproche du coup même aux premiers apologètes de ne pas trop connaître les évangiles, sauf que ces documents ne leur étaient pas parvenus, si bien que dans Saint-Irénée, ou même, ils en ont quand même au moins des parcelles connaissances, que ce soit Julius l'Africain, Tertullien, Saint-Irénée, Saint-Justin, etc. Donc c'est pas si vrai que ça. Et Fabius Joseph qui rapporte des mots de... Enfin, c'est même Macrobe qui les rapporte d'Auguste. Il dit « Il vaut mieux être le pourceau d'Hérode que son fils. » Donc ça appuie depuis Rome le massacre des saints innocents, ou du moins la personnalité très dure. Et si on ne croit pas qu'il puisse exister des personnalités très dures, bah, il y a eu Caligula, il y a eu Robespierre, il y a eu... À la naissance d'Auguste aussi, on a résolu de faire périr les enfants parce que il y a une prophétie comme quoi l'un de ses enfants allait détrôner et devenir le maître de Rome. Genre Auguste allait se faire détrôner, quoi. Donc en fait, il y a des précédents historiques qui n'existent pas que dans une seule civilisation, même si chaque chose peut avoir un peu son cas unique, si on veut. Et ça vient pas du tout démentir le tout, quoi. Alors Saint-Irénée, c'est très simple. Le pauvre, excusez-moi, il n'y avait pas de mail à l'époque. Donc, il faut aussi le comprendre, Saint-Irénée était très, très inspiré de la pensée de Saint-Jean, l'évangéliste. Mais bien sûr, Saint-Irénée, évêque, qui est très, très connu à Lyon, bien sûr, Saint-Irénée, hein, parce qu'il a été mort martyrisé à Lyon. Saint-Irénée était le disciple, évêque de Lyon, était aussi disciple de Polycarpe de Smyrne, qui lui-même était le disciple direct, on est vraiment en direct là, de Saint-Jean, l'évangéliste. Excusez-moi, si quand même il y avait une connexion particulière avec un évangéliste plutôt que les autres, on est quand même là au tout début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, il faut quand même comprendre la chose, c'est pas accès à toutes les informations. ça n'a pas empêché Saint-Irénée d'être un très grand saint, un très grand évêque, et de publier un ouvrage qui s'intitule, je crois, « Contre les hérésies ». Je crois que c'est ça le titre en latin, que je ne vais, pas prononcer en latin parce que je n'ai pas envie d'être, ridicule. Après, il y a, bon, j'insiste pour dire qu'il y a encore d'autres quelques différences. Hein, on ne va pas tout livrer, tout donner, mais voilà, pour ceux qui veulent approfondir, normalement, dès l'année prochaine, début d'année prochaine, ils devraient pouvoir se procurer un peu tout ce qu'il faut et on partagera en temps voulu. Donc, ouais, tu peux envoyer la troisième partie, enfin, du sujet. Quoi. Ouais, alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que celui-là, c'est vraiment... Faut faire un peu marcher sa partie rationnelle du cerveau. C'est l'évangile de Saint Matthieu, on va dire l'origine, et un débat sur, on va dire, l'origine hébraïque de l'évangile. Est-ce que tu veux poser un peu le débat, en fait, Rex? Le sous-titre, c'est un peu un évangile hébreu, donc c'est un peu d'être sûr qu'il a été écrit dans une langue ou une autre, parce qu'en général, ça nous parvient dans le monde hellénique, et c'était en langue grecque, sauf que cette langue grecque trahit une main sémitique, puisque les expressions, les tournures de phrases, en fait, sont faites d'un tel esprit imagé et autre que... On retrouve en fait le côté, et tout l'objet de cela, c'est quand même de prouver que ça a été rédigé avant l'an 70, bien avant, et que, parce qu'il aurait été, d'ailleurs ça appuie Saint Matthieu, ça, il aurait été impossible et dangereux d'user encore de la langue hébraïque après la destruction du temple. Donc voilà, c'est une preuve supplémentaire, si l'on veut, de la rédaction... on va dire, assez contemporaine de l'évangéliste Matthieu. Alors, je précise que ce point-là, il y a une discussion quand même libre sur ce sujet, ce point-là, par exemple, si vous niez, ça ne vous fait pas sortir de l'Église catholique. Vous avez le droit de dire que, ok, je crois fermement que l'évangile de Saint Matthieu est écrit en grec ancien plutôt qu'en hébreu. Alors, du coup, ce n'est pas l'hébreu... vous savez, il y a plusieurs hébreux. Il y a l'hébreu moderne, parlé par les Israéliens, qui est une mélange, on va dire, de l'hébreu ancien avec un peu de yiddish, donc un peu d'allemand, un peu de turc, un peu d'anglais, qui est une langue qui ressemble bien sûr beaucoup à l'hébreu ancien. Et l'hébreu ancien, c'est pas exactement non plus l'hébreu biblique. Il y a quand même une évolution des langues. Et généralement, c'est par exemple les rabbins qui vont parler l'hébreu biblique, c'est pas forcément sûr qu'ils vont comprendre l'hébreu moderne. Voilà. C'est pas comme un peu comme le grec ancien, par exemple, et le grec moderne. C'est pas forcément des gens qui vont se comprendre. Il y a quand même une certaine rupture. Voilà. Et donc, voilà, je disais, pour l'évangile de Saint Matthieu, par exemple, l'abbé Laguéry, je sais qu'il a fait tout un tas de vidéos où lui, par exemple, il croit fermement que l'évangile a été écrit en hébreu ancien. Il apporte tout un tas de développements là-dessus. C'est une discussion libre, vous avez le droit de croire que c'est pas le cas, etc. En tout cas, ce qui est quand même simple à comprendre, c'est que, vous savez, les quatre évangélistes, ils ont eu l'apparition ils ont quand même connu notre Seigneur, ils ont eu l'Esprit Saint sur eux. Ça n'empêche pas qu'aussi ils étaient des hommes, ils avaient une personnalité, une histoire, et qu'ils étaient différents des uns des autres. Et Saint Matthieu, lui, sa personnalité particulière, c'est que il était vraiment, on va dire, plus inspiré pour la diffusion de l'Évangile à travers les Juifs, parce qu'il connaissait assez bien quand même l'Ancien Testament. D'ailleurs, si vous lisez l'Évangile de Saint Matthieu en français, hein, je précise, vous voyez que souvent Saint Matthieu essaie de faire de l'apologétique, ce qu'on est en train de faire actuellement. Et à chaque fois, il s'appuie sur l'Ancien Testament, ce que font pas nécessairement les autres, enfin, très rarement d'ailleurs les autres. Saint Matthieu, son évangile, il fait quasiment deux fois la taille de celui de Saint Marc. Saint Marc, c'est Saint Pierre en fait. Saint Marc, c'était le secrétaire, on va dire, de Saint Pierre. La personnalité, par exemple, de Saint Marc et de Saint Pierre, on va dire, c'est plutôt des militaires. Vous lisez ça comme un évangile, comme un rapport de combat. Il n'y a pas de chichi, on va direct à l'essentiel. Saint Matthieu, donc, disait, lui, il aime bien faire les démonstrations. Sur l'Ancien Testament, par exemple, on lui a pas brisé les genoux comme le disait Isaïe, je sais pas quoi, voilà, c'est comme ça la personnalité de Saint Matthieu. La personnalité, je vais faire les quatre en tant qu'affaire, hein. La personnalité de Saint Luc, donc Saint Luc, c'était un païen au départ, un médecin qui a suivi le Christ et qui s'exprimait dans un grec encore aujourd'hui qui est considéré comme un grec ancien littéraire, c'est-à-dire qu'en fait son grec ancien, c'est pas juste des événements, même d'un point de vue littéraire, c'est une beauté en fait. Il avait mis un soin spécial, quelqu'un qui avait reçu une assez bonne éducation, un soin spécial dans ses écrits, et c'est juste, apparemment, c'est magnifique, quand vous comprenez le grec ancien, l'évangile original de Saint-Luc. Attendez, qui c'est que j'ai pas nommé? Et donc, bien sûr, l'évangile de Saint-Jean, j'en ai déjà parlé un peu, alors, par contre, du coup, je vais être très court. Donc là, sa personnalité, sa particularité, c'est qu'il était écrit bien plus tard par rapport aux autres, et que lui, Saint Jean, lorsqu'il a connu le Christ, en fait, c'était encore un adolescent. Les autres étaient déjà des adultes. Saint Pierre était déjà un adulte, un trentenaire, etc. Lui, Saint Jean était traumatisé, vraiment dans le sens grec trauma du terme. Et en fait, on peut dire que au moment de la mort du Christ, pour lui, quasiment le temps s'était arrêté à ce moment-là. Et en fait, toute sa longue vie, parce qu'il a vécu quand même pas mal d'années, hein, il a vécu très très très très, très vieux. C'était juste ce souvenir de tous les éléments qui s'étaient passés. Il était vraiment traumatisé, comme s'il était encore un peu dans une sorte de pensée un peu mystique. Il ressassait tout ça à chaque fois, et donc il met beaucoup de sentiments et d'émotions dans ses évangiles, ce que les autres ne font pas, en fait. Oui, tu l'as bien dit. Donc l'apologétique, c'est un peu ancêtre de toutes les sciences qui sont autres que la foi directement, les dogmes ou quoi, pour défendre la foi. Donc on fait appel, un peu comme on fait là, à l'histoire, mais aussi à la philosophie, pourquoi pas à la science, découverte architecturale. En fait, on sait vraiment d'absolument tout, et notamment la linguistique, puisqu'effectivement, là, c'est un peu le cas d'analyser l'araméen, le grec littéraire, comme aujourd'hui on parle de l'arabe littéraire, par exemple. Donc voilà, à l'époque, c'était moins constitué et un peu comme ça. Il y a un premier reproche qui est fait à l'évangile Saint-Luc, c'est d'être un peu obscur. L'abbé répond en disant, mais ça a 2000 ans déjà, donc voilà. En plus, les livres de l'Ancien Testament sont plus difficiles à analyser. Là, il y a des prophéties qui corroborent entre l'Ancien et le Nouveau qui se réalisent, à dessein, on pourrait dire. Donc, le premier gros hic, et c'est à celui-ci que s'attarde de répondre l'abbé, je vous révèle un petit peu, c'est un peu du spoil, là. En fait, le mot employé en langue sémitique est confond aigle et vautour. Et donc, comme ça parle un petit peu d'aigle autour d'un cadavre, on se dit ça va être le vautour, puisque c'est un animal grégaire et charognard. Or, les traductions grecques, voire françaises, etc., on a tendance à mettre aigle qui rôde autour des cadavres alors qu'ils ne le font pas. Et donc là, tout de suite, on peut plancher là-dessus en disant, mais vous voyez, c'est ridicule votre truc, ça tient pas la route. La tradition a tendance à penser que c'est vers l'an 33 qu'a été rédigé l'évangile, même si les copies pures qui nous permettent de l'analyser datent plutôt du 2e siècle, donc c'est vers les années 100. Mais voilà, la tradition a tendance à penser que c'est vraiment, limite vers la mort du Christ, quoi, plus ou moins. Donc ça, c'est, comme disait Bobby, on n'est pas donné, franchement, à croire que ce soit purement hellénique ou araméen ou quoi, mais bon, voilà. Il donne un peu ses vues selon les documents qu'il apporte à notre lecture. Ouais, pour parler un peu de cette fameuse année 33, c'est intéressant, oui, oui, oui. Cette coïncidence qu'il y a, parce que... 33e degré. Non, mais c'était surtout, voilà, notre Seigneur a été crucifié en l'an 33, et exactement 19 siècles après, c'est l'arrivée au pouvoir des nationalistes en Allemagne. On le voit arriver avec ses grosses bottes, la Gestapo, le Ludwig. Là. Et donc, moi, dans ma tête, je lui disais, peut-être en 2033, ça marquera à la fois les 2000 ans du rachat de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous nos péchés, donc de la libération de l'humanité, et à la fois le centenaire de la libération d'un peuple qu'on respecte énormément. Et que voilà, peut-être, espérons-le, si Dieu le veut, 2033 sera notre année. Bon, c'est tout à fait possible, hein, au vu de l'emballement des choses, et quand je parle avec les gens, que ce soit même en France et de différents pays, les gens disent « En fait, on a perdu la Seconde Guerre mondiale et Hitler avait raison. » Ah oui, ouais, c'est sûr. Là, les gens, ils commencent très doucement à se poser des questions. Là, il y a encore tous ces vieux boomers qui sont là... je suis un peu contre l'immigration, mais en fait non, le combat des alliés pendant la guerre, non, ça c'était une cause juste, etc. Ouais, il fallait botter le cul aux nazis, etc. Ça va dépendre où tu te trouves. Si tu te trouves un petit peu plus loin des grandes villes complètement cosmopolites, moi j'ai des boomers qui ont retourné leur veste et qui disent effectivement, ouais, les fascistes, c'est dommage qu'ils aient pas gagné. Mais après, il y a des statistiques là, qui sont sorties, là, et que maintenant, de plus en plus de jeunes, justement, la génération Z en particulier devient de plus en plus éveillée sur toute cette tous histoire les là. Sur tous les jeunes hommes. Oui, bien sûr, forcément. Donc voilà, il y a toute cette génération justement TikTok. D'ailleurs, les médias mainstream, ils s'inquiètent un petit peu justement de ces tendances sur les réseaux. Bah en fait, ça bascule. Excuse-moi, ça bascule d'abord un peu sur les hommes. Et c'est une fois que les femmes ont basculé que c'est la preuve qu'en fait, on est déjà la voix majoritaire et que c'est, très souvent, elles viennent un peu. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oui, voilà. Plutôt bon, après, dit comme des mouches attirées par la merde. C'est selon le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, il y a qu'à voir les réactions après l'élection de Trump. Hein. Les gauchistes, hein, les féministes, les woke, les LGBT, ils ont craqué littéralement. Hein. Ah ouais. Pour parler des élections justement américaines qui sont déroulées ce mois-ci, ben, c'est vraiment jouissif de voir tous ces féministes en PLS. À cause des possibles restrictions ou même interdictions croissantes du droit à l'avortement. Du coup, elles ne veulent plus écarter les jambes pour coucher avec n'importe qui. Donc, voilà, elles se sortent du pool génétique. C'est... Merci, mesdames, finalement, on vous a demandé d'arrêter d'être des catins. Bah, vous le faites parce que, voilà, c'est très bien. Ah, bah, si elle veut arrêter de se prostituer et arrêter de faire de la fornication, très bien. Bah, oui, moi, je trouve ça très... Tout le monde nous dit, hein, tout le monde dit, bah, en fait, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est ça. Y a malheureusement, je crois qu'elles vont aller plus loin. Elles veulent aussi arrêter juste de faire des enfants tout court. Bah, elles l'ont déjà fait depuis longtemps, puisqu'elles n'arrêtent pas d'avorter de toute façon. Et voilà, de toute façon, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Bon, ça devient du puritanisme, puritanisme hardcore, quoi. Et même pas protestant religieux, quoi. Ah oui, mais c'est de la folie furieuse. C'est juste des gens qui. Voilà, c'est comme des gamins, en fait, qui ne sont pas contents et qui vous font une colère. Qu'elles se rasent le crâne aussi. Elles ne sont pas contentes, donc elles se rasent. C'est bien, comme ça permet de les identifier. Hop, dans le camp, toi. Ouais, bon, voilà, c'est gens, assez... Pas planter, c'est... Non, attendez, j'ai un cancer. mais voilà, c'est la sélection naturelle, de toute façon, avec ce mouvement 4B, comme ils appellent. Mais en fait, quand tu vois ces femmes, c'est finalement juste des femmes dérangées mentalement et physiquement répulsives, qui s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles, MDR, alors qu'aucun homme ne les calcule à la base. Donc, ou alors qu'elles n'arrêtent pas d'aller coucher avec les comment on appelle ça, ils appellent les tchads, les chads, quoi, les bad boys, c'est ce qu'elles cherchent. Mais en plus, le pire là-dedans, c'est qu'elles ont utilisé le mouvement B qui vient de Corée du Sud, qui est fait en fait en Corée du Sud par les femmes, et pour une raison précise, c'est que plus personne en Corée du Sud, au vu du coût exorbitant de la vie et du fait que les Coréens là-bas n'ont absolument pas de vie familiale, puisqu'ils travaillent de 9h jusqu'à 9h, ils ont des journées 6 jours par semaine, c'est pour ça que les femmes ont fait ça, c'est même pas parce qu'elles veulent pas, elles veulent se marier, elles veulent avoir des enfants, mais une personne ne peut en avoir du fait du coût exorbitant de la vie qu'ils ont en Corée du Sud. Ça n'a rien à voir, c'est les féministes là-bas aux États-Unis ou dans l'Ouest récupèrent ça en disant « Regarde, on va faire comme la Corée du Sud, les Coréens du Sud disent « Non, vous n'avez pas compris pourquoi on fait ça. » Ça n'a rien à voir. Ces gens sont juste stupides. C'est, voilà ce qui se passe quand on passe trop de temps sur Internet. Qu'on donne accès aux femmes à Internet, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi cette vague sur les réseaux sociaux après la déclaration de Nick Fuentes, donc voilà, ce nationaliste américain. Magnifique. Très connu. Ouais, le fameux « Your body, my choice, forever ». Donc, ton corps, mon choix. Ton corps, mon choix. Pour toujours. Voilà, pour s'approprier de. Mais on a vu des femmes faire du vaudou pour dire non. Oui, Nicole, voilà. En réaction. Mais c'est complètement... Elle voulait même pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Aquatofana, oui pardon, elle voulait même empoisonner, elle disait on va empoisonner comme la fameuse empoisonneuse italienne qui aurait distribué des élixirs pour femmes pour qu'elles tuent leur mari, qui est soi-disant abusif, bien sûr le mari est toujours abusif, c'est jamais la femme, qui aurait tué apparemment 600 hommes, super. Mais déjà là, elles admettent en fait leur impuissance, parce que en fait elles admettent qu'elles ne peuvent pas... affronter les hommes frontalement physiquement, donc elle se dirige vers des moyens de lâche et pernicieuses pour arriver à leur fin. Donc voilà, l'empoisonnement, c'est vraiment la façon de mettre à mort quelqu'un, la plus féminine finalement. C'est ça, mais on viendra après là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres choses à se dire là-dessus, c'est très intéressant ce qui se passe. Notamment qu'il y a plein de gens plein de personnes en fait de bon sens qui disent, même les Américains disent, en fait je crois qu'on va commencer à vous enlever vos droits. On va retomber un peu sur le sujet, peut-être en parlant des diaconas aussi, mais on va peut-être plier l'apologétique. Bah, là, on peut passer d'ailleurs au quatrième sujet. J'allais juste dire que la revue, à partir de ce numéro 3, elle commence un petit peu à s'étayer, à s'étoffer. Il y a un petit peu une synthèse, problème, objection, conclusion à la fin, des petits QR codes, des références ou renvoyés. Donc, on sent que ça va un petit peu gagner un peu plus en aspect et que c'est tant mieux. Et on peut parler du quatrième et dernier sujet avant de faire la revue de presse, si vous voulez. Donc, sujet 4, qui a tué Pharaon ? Qui, mais qui, messieurs ? Bah, c'est la communauté que vous connaissez bien. Avec l'accent alsacien. C'est par rapport à la fuite des Juifs, aux plaies d'Égypte qui s'abat dessus. Et surtout, donc, le fait qu'il est dit, notamment dans la Bible, que Dieu a endurci son cœur pour que vraiment il s'entête et que... Ils périssent pour ça. Et donc, pareil, je crois qu'il y a un contexte dans ce numéro, si je ne me trompe pas, où il y a un peu d'étreint. Donc, comme ça, voyage en Égypte et tout ça, il y a des petits parallèles avec 1940, on s'amuse un petit peu. Mais donc, ça nous rappelle ouais, les armées de Pharaon noyées dans la mer Rouge, probablement ou peut-être pas, enfin, on ne sait pas, avec le Pharaon lui-même d'ailleurs. Certains le font remonter à Ramsès II, mais là aussi, on n'en sait pas grand-chose. Hein, c'est un peu une référence, quoi, une référence connue. Et l'idée, là aussi, c'est un peu mieux organisé, c'est de mieux en mieux, puisqu'il y a des sous-chapitres, on va dire, il y a le titre essentiel, et on passe de l'un à l'autre, donc on commence à se poser diverses questions. Dieu est-il bon ? Et comme le chauffeur se trouvait un maghrébin musulman, par exemple, on a une lecture littérale de ça. Les musulmans accepteraient cette lecture littérale. C'est vraiment Dieu qui endurcit le cœur, il fait exprès de damner certains hommes et de sauver certains autres dès le début. C'est déjà écrit, c'est dans la pierre. Il y a un fatalisme dans l'islam, par exemple. Nous ne pouvons pas le lire comme ça. Je ne sais pas si Vincent Renoir ose dire carrément que c'est presque... L'Église soutient ça, donc elle soutient une hérésie, en quelque sorte. Mais en fait, comment il faut le lire, c'est... certes, dans l'Ancien Testament, il y a une dureté et une autre tournure de phrase. C'est l'Ancienne Alliance, pas la Nouvelle et tout ça, mais... C'est même pas ça l'objet, le hic, c'est que finalement la phrase est tournée comme ça, mais c'est toujours l'homme qui pêche, qui fait un péché volontaire. Et le pharaon a souhaité s'endurcir lui-même, et c'est pourquoi ensuite une série de péchés s'abat sur sa nation et sur lui-même. Et c'est donc d'un péché volontaire que, et puis comme on le dit, souvent, un péché entraîne un autre péché. Quand vous commencez à relever un pied, vous faites un péché peut-être véniel, puis véniel jusqu'à ce qu'il y ait celui grave. Et s'il y a celui grave et que vous ne gardez pas foie chevillée au corps, que vous allez vous confesser, etc., ça risque d'être l'avalanche, etc. Donc, ça a dégénéré la situation pour le pharaon dans ce sens-là et pas dans une lecture littérale islamique pour ne parler que de ça. Ça, c'est un exemple qu'on voit dans la vie de tous les jours, des gens qui s'obstinent. On l'a vu beaucoup dans le Nouveau Testament, il y a des parallèles qui sont très forts, même dans la vie de tous les jours. Mais les pharisiens, à un moment donné, ils ont été en contact aussi avec le peuple. C'était pas des gens qui étaient quand même uniquement dans des synagogues qui sortaient jamais. Donc ils ont vu, ils ont entendu parler des miracles, certains les ont vus, ils ont entendu Jésus prêcher à de multiples reprises. Ils allaient même à la controverse, donc ils le suivaient, etc. Ils ont vu tout ça, ils ont entendu, ils ont quand même été convaincus, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent sa mort. Donc, à un moment donné, les gens, ils s'obstinent dans le mal. C'est leur choix personnel. C'est pas Dieu qui leur a mis la tête sous l'eau comme ça. L'exemple le plus frappant qui me vient en tête, c'est la résurrection de Lazare. À un moment donné, t'as des miracles qui sont éclatants. Là, t'as la résurrection de Lazare devant tout le monde. Elle est sans appel. Lazare, il sort de la grotte. On lui dit, il pue parce qu'il a la putréfaction à commencer. Et tout le monde a vu ça. Premier réflexe de Caïphe, bon, on va essayer d'éliminer ce Jésus, là il devient trop embêtant, et d'ailleurs, on va aussi en profiter pour éliminer ce Lazare, c'est juste un témoin gênant, quoi. Non, mais en plus, le pauvre Lazare qui a vraiment rien fait. Des gens comme ça sont obstinés dans le mal, c'est très courant, et donc Pharaon parmi tant d'hommes. C'est ce que disait, moi, quand j'avais fait mon catéchisme, le prêtre me disait le fierté, c'est le premier des péchés. C'est ce qui a fait tomber d'ailleurs le diable lorsqu'il a dit à Dieu « Non serviam, je ne servirai pas ». Et c'est souvent le premier des péchés, l'orgueil, incapable de voir, d'accepter de se mettre dans une position d'humilité et de dire peut-être que mon orgueil m'empêche de faire ce que je dois faire ou de voir ce que je dois voir et de comprendre ce que je dois comprendre. Et ce qui est souvent le cas d'ailleurs. On fait le mal par refus de s'humilier. On voit bien que nos contemporains, qu'est-ce qui va empêcher maintenant quelqu'un qui écouterait des arguments apologétiques de se convertir ? Bah, ça voudrait dire, ah ouais, bah, en fait, il faut que je passe par l'étape où je dois quand même renier ce que j'ai cru comme ça pendant 20 ans et m'humilier un peu, quoi. Et bah, du coup, cette étape-là, il y a plein de personnes qui vont dire, bah non, non, surtout pas moi, j'ai raison, et puis fin d'histoire. Oui, c'est ça, la religion des droits de l'homme. C'est bien pour ça qu'on l'appelle la religion. Bah, toute politique et théologique, ouais, c'est un peu Carlo Schmitt, même quand on n'a pas l'esprit religieux soi-disant, on défend la laïcité comme un dogme, et donc ouais, ça retombe sur ses pattes. Mais tu dis bien, Bobby, du coup, c'est un défaut un peu commun qui est connu pour nous, donc on parle d'entêtement, ça nous permet un peu d'analyser la chose. Saint Thomas d'Aquin, il parlera, lui, d'aveuglement. Il y a aussi l'endurcissement, en fait, du cœur de Pharaon dans ce cas-là, et donc le châtiment divin qui vient. Et encore la question aussi, là, de la justice de Dieu. Est-ce que typiquement une lecture littérale Ancien Testament, on va dire c'est pas le bon Dieu, il n'y a pas de miséricorde, il est sadique par exemple, et on va faire son Henri de Lesquin ou autre, pour ne citer que lui, un peu du néo-martionnisme. Je crois que Laurent Guyonneau est un peu comme ça là, dans La Vitrine R aussi. Je dis bien néo parce que ça diffère de Martion, mais voilà, l'idée de rupture entre Ancien et Nouveau Testament est là. Alors que si on défend l'un, vaut mieux défendre l'autre, puisque les prophéties s'annoncent et se réalisent voilà, d'un côté et de l'autre. Donc il ne faut pas trop le séparer, en fait. Et bon, vous l'avez dit sur fierté, orgueil et tout ça. Tandis que la religion chrétienne, elle s'adresse un peu à la conversion du cœur, d'ailleurs. Je pense qu'il y a le roi David qui a des passages qui expliquent un peu cette attitude de Dieu, et même l'Exode, disant « J'ai péché encore cette fois, le Seigneur est juste, moi et mon peuple, nous sommes des impies. » Et donc, comme ils sont des impies, évidemment, ils vont être châtiés, un petit peu comme nous aujourd'hui, les péchés d'avortement, d'euthanasie, d'impureté et autres, nous causent un gros souci démographique, on le paye, et on le paye notamment en crise migratoire massive, pour ne parler que de ça et pour faire un parallèle. J'avais oublié juste dans le numéro 3, il termine un petit peu sur la notion de martyr aussi, l'abbé. Ça pourrait intéresser les lecteurs, ça, puisque avec le martyr des saints innocents, c'est un martyr qui n'a pas un acte volontaire, puisque c'était des bébés, mais par contre, ils sont quand même saints. Alors que le martyr très connu, répandu, c'est plutôt celui où c'est un adulte, quelqu'un de raisonné, qui est à la foi et qui se sacrifie devant un ennemi païen, laïciste, ou ce que vous voulez, quoi. Oui, on peut revenir en général à la matière des débats. Il n'y a plus de vrais débats. Parce qu'avant, aujourd'hui, les gens, lorsqu'il y a des débatteurs, ils servent simplement à faire triompher leur pensée, leur camp. Il n'y a plus de débat sain comme il y avait avant, où vous avez par exemple disputatio, où on n'est pas d'accord, on expose nos points de vue, et de là, on va en tirer une conclusion, qui va soit infirmer l'un, soit infirmer l'autre, soit peut-être donner à l'un et à l'autre un nouvel axe de pensée. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont plus, le niveau a tellement baissé que les gens, non, j'ai raison et toi t'as tort. C'est juste, encore une fois, c'est de l'orgueil, c'est de la fierté qui empêche de voir la vérité. Donc voilà, dans cette affaire, Dieu est innocent du péché de Pharaon. Il faut bien la lire comme ça. C'est pas lui qui ne fait péché. Il est responsable tout au plus de l'acte du péché, c'est-à-dire que comme il a créé la nature humaine, eh bien, on peut entendre que ce genre d'événement ait lieu. Par contre, il permet le mal ou il ne le veut pas, en tout cas directement. Il peut le permettre, s'en nourrir pour, en effet, donner un châtiment à quelqu'un, à une personne, à Pharaon. Et dans cette affaire, d'ailleurs, un peu bon philosophe pour le coup, il va, l'abbé, employer la causalité principale et instrumentale aussi, les distinguer, en quoi elles sont différentes. Que causalité n'est pas corrélation, ça c'est ce qu'on rappelle un petit peu contre les conspis qui disent « Ah, il y a ça, donc ça, donc ça », et à la fin, dans l'analyse globale, t'es parti sur la Lune. Donc voilà, les pieds sur terre, défense rationnelle de la foi, une bonne apologétique, et comme je vous disais, des références sympathiques, pas spécialement, pas que humoristiques, il y en a, ou une petite taquinerie si vous voulez, mais même celle, je sais pas, il y a le sel de la terre, le père Calmel, et donc je trouve que c'est bien agrémenté, c'est vraiment un travail à soutenir par la prière et par la volonté de le diffuser et de s'en nourrir quand ce sera un peu plus rendu public. Donc je répète, on mettra les liens en description de la vidéo, donc c'est la revue catholique sans concession, peut-être aussi un site à venir, un collectif qui est dirigé par l'abbé Louis Marcille, et peut-être qu'on aura le plaisir de recevoir un des membres de ce collectif pour nous parler de cette revue fort sympathique. Voilà pour la très très longue démonstration, on va dire, apologétique. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de l'apologétique, mais on va dire, on a fait une petite mise en bouche. Et on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission, avant d'abord de faire une petite pause musicale. À tout de suite. Florian Rouanet, toi-même tu sais. Au Tainaï, pas si tel est notre ghetto. Oye, oye, salope et gentleman. Ta ta ta, ta ta, gros talent, ta ta ta. Ego trip de la messe, de la street. Au Tainaï, pas si tel est notre ghetto. De te voir, ça me provoque lassitude. T'es une salope et c'est une certitude. D'habitude, on habite box avec ma bite rude. J'ai d'aptitude et je prends de l'altitude. Latitude et longitude, hey. Plante ta grande face allongée comme Cassandre un jour. Une prophétie racontée qu'un grand monarque allait venir unifier l'Europe. Ce grand monarque autrichien, c'est toi tonton. Le teuton qui te met des tartes, titan d'Hitler, Hitler, Hitler. On viole en réunion nationale socialiste. Ta grosse daronne, le pachyderme qui t'a chié. Contre les taïsophiles et leurs couilles bleues. Je vais tout flinguer, bande de FDP. Je te fais le fion comme Hitler, puis comme le père Mathieu, tu feras des faits foireux, confession. Je ne suis qu'un sale goy nazi du catholifat. Un taliban détecteur de qui, mais pas de Lubavitch. Le qui, mais qui de Posternak. N'importe nawak. Ah, ah. Por caputana, caputana. Va in cucina, va in cucina. Vale a mangiare per il talibano. Bianco e cattolico. Por caputana, caputana. Por caputana, caputana. Porca putana. Je suis trop puissant, comme le dogme évolutif de Bergoglio et Pokémon. Je suis en constante évolution, dédicace à Mathieu Lavagna. J'améliore la messe Paul VI. Pimp ma messe. Un peu de dose de Maya et d'Amazonie post-Paul VI. Trop ringard, t'inquiète, au milieu des vicissitudes et des sollicitudes. Au petit matin, pour être en forme, je prends mon magnésium et j'engendre. Le soir, je rentre et ken madame. Dommage collatéral. Blitzkrieg, c'est notre guerre éclair. Hitler, le germanique boost. Éclair au café, porca puttana, caputana. Va in cucina, va in cucina. Vale a mangiare per il talibano. Bianco e cattolico. Porca puttana, caputana. Porca puttana, caputana. Porca puttana. Un petit pas pour le mettre en fureur et un grand pas pour les caucasiens. Tonton germain, le germanique. J'aperçois ta douce silhouette dans les nuages. Comment être éclairé en matière religieuse? Écoutez magistère pépère. En matière politique, Hitler bras et croix gammés en l'air pépère. Je débarque à la maison avec mes pitchounes et la mère de mes tamagotchi. En direct de Bourg-Palette, c'est coup de boule direct et ça devient rêche palette. DBZ en force cousin, virtuose et maître du logos. Le GOAT, charrière blanche, dédicace à Kaboul, Boko Haram. Terre légendaire du Wakanda et Al-Koran de la Mecque, mec. Toujours les straps dans la place. Porca puttana, te ne vai in casa. Alla cucina fare da mangiare per il talibano. Bianco e cattolico. Porca puttana, porca puttana, porca puttana. Voici de retour dans la deuxième partie de Rémus, et donc, comme promis, on va faire une sorte de revue de presse du monde tralistan. J'ai vu que c'était très apprécié, donc on va continuer, c'est Rex qui va principalement diriger ça, et on va commencer tout de suite par une information qu'on va tous pouvoir commenter, parce que vous nous attendez là-dessus, et vous avez bien raison, c'est ce qui s'est passé par rapport à la fraternité Saint-Pilis, donc qui a, je rappelle, a perdu un de ses évêques, Monseigneur Tissier de Malaret. Et donc, il se retrouve avec, on va dire, un évêque et demi, sans vouloir offenser personne à cause de l'état de santé des uns et des autres. Et les gens s'interrogent, qu'est-ce qui va devenir de la fraternité? Donc, le supérieur de la fraternité a fait un petit communiqué. Je ne vais pas lire en entier parce qu'il est un peu long, mais en gros, malheureusement, j'ai l'impression qu'il conforte nos craintes que nous avions dans la précédente émission, où il parle sans arrêt de la Providence. C'est très bien de parler de la Providence, il n'y a pas de problème. Mais sur les éléments concrets à venir pour remédier à ce problème du manque d'évêques, une phrase qui résume à peu près tout, dit « Cette question ne peut être traitée que dans les calmes et la prière, et à l'exemple de Monseigneur Lefebvre, la fraternité se laisse guider par la Providence, qui a toujours indiqué clairement les voies à suivre, les décisions à prendre. » Malheureusement, il y a un communiqué qui est assez long et assez, je suis désolé de le dire, creux, pour dire en substance exactement ce que je viens de dire là, mais de plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, j'ai l'impression que ils vont attendre. Ça, c'est dangereux. Si je peux commencer, oui, bah c'est les craintes qu'on peut avoir, effectivement. Donc déjà, Mbappé, l'âme de Monseigneur de Tisseré de Malraux, malheureusement, qui est parti trop tôt. C'est un accident, hein, c'est vraiment triste. Le problème étant qu'effectivement, la déclaration effectivement, est creuse, comme tu le dis, ne contient rien en substance, et on devrait s'inquiéter, de, sachant qu'ils n'ont, effectivement, alors que, comme tu disais, un évêque et demi, hein, c'est puisqu'ils vieillissent, ils ne sont pas immortels. Donc, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont confirmer un nouvel évêque? Dans ce cas, ce qui risquerait de se passer, c'est que le Vatican, la secte moderniste, pourrait cette fois rompre tout dialogue. Or, la fraternité Saint-Pédis s'entête à vouloir continuer à garder le dialogue avec la secte qui tient Vatican actuellement, et qui, comme on le sait, surtout depuis que Bergoglio est monté au pouvoir, qui a accéléré le pas dans la destruction de l'Église, telle que nous la connaissons. Donc, est-ce qu'ils vont continuer, en fait, la fraternité va continuer à être mi-figue, mi-raisin, et ne rien faire, et attendre que tous ces évêques disparaissent, ce qui fait que dans ce cas... là, il se retrouve dans une situation catastrophique et que ça donnerait raison donc aux craintes de Monseigneur Lefebvre. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'aurait fait Monseigneur Lefebvre? Est-ce qu'il serait resté? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, au vu du fait que ça fait quand même plus de 60 ans maintenant qu'on continue sur une pente glissante, dont d'ailleurs la pente continue à s'aggraver de plus en plus et à accélérer la descente dans les abîmes, est-ce qu'il ne serait pas, ce serait pas dit, ok, c'est bon, on rompt tout contact avec la secte qui occupe le Vatican, ils les auraient pas dénoncés tels qu'ils, pour ce qu'ils sont réellement. Voilà. Alors, c'est la question que je vais même aller plus loin que ce que tu dis qu'aurait fait Monseigneur Lefebvre. Qu'a fait Monseigneur Lefebvre? Rupture, rupture, sacre sans mandat, fin de l'histoire. Oui, voilà, oui. Il l'avait déjà fait. Donc, là, c'était je pense pas de l'attentisme. Moment... Oui, mais c'était... là, ils font de l'attentisme, c'est très grave. Alors, on espère qu'ils vont nous donner tort, on espère pouvoir faire une émission prochainement pour dire « Bah écoutez, on s'est planté chez Oremus, on s'est inquiété pour rien, finalement ils avaient raison. » J'espère que ça va se passer comme ça et qu'on puisse s'humilier devant tout le monde. Pour l'instant, j'ai l'impression que malheureusement, pitié, donnez-nous tort. Malheureusement, j'ai l'impression que l'actualité est en train de donner raison. Ouais, faut pas que ce soit une prophétie autoréalisatrice, comme on dit. Bah, j'ai vu que... C'est un peu étrange comme sujet. Je dirais pas que je suis moins pessimiste que vous, mais j'ai remarqué que la fraternité préparait un petit peu le terrain. Elle a tendance à tâter un petit peu le terrain. Donc il y a cette diffusion, vous savez, de ce sermon, enfin cette déclaration plutôt, du 21 novembre 2024, donc à l'occasion de la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Monseigneur Lefebvre avait déclaré sa rupture à ce moment-là, en 1974. Certains reprochent qu'il avait un peu validé les documents Vatican II dans les années 60, etc. Je ne sais plus si c'était tous, d'ailleurs, mais il s'est rétracté. Et donc, il a bien fait en cela. Et quand quelqu'un va vers le bien, normalement, plus que vers le mauvais, on va plutôt soutenir l'initiative. Donc, il diffuse dans les chapelles cette sortie qui a un demi-siècle. Donc, Menzingen lui-même appuie le document où, sur le fond, ça a l'air pas trop mal, hein, très anti-moderniste, etc. Bon, on sait qu'entre-temps, il y a eu 10 ans de Monseigneur Fellé environ, et les Félésiens qui ont à côté semi-rallié avec la secte romaine, mais sans document officiel, donc il n'y a pas de document, donc ça va, mais en fait, on est un peu ensemble. Je pense, sur le texte Menzingen, si on veut être un peu critique, sur l'engagement des familles, il y a un petit côté familiariste. C'est peut-être un petit peu... voilà, trop teinté cléricalisme, surnaturalisme, un petit peu, tu vois, on le ressent. Voilà, il ne va pas parler d'engagement politique dans la cité, il ne faudrait pas trop se lier à un truc comme même Civitas, hein, je veux dire, qui a plutôt une ligne lefévriste. Mais voilà, après, sinon, sur le fond, l'antimodernisme, les choses comme ça, reprofessées, n'est pas trop mal. Et donc, ça va avec cet entretien qu'a donné à Zangelus, l'abbé Pagliarani, qui est à mi-mandat. Je ne sais plus si c'est encore 6 ans, enfin bon, il y a un bon paquet d'années encore, et qui a pris le relais donc, de Monseigneur Fellé, qui, comme vous le dites, quand le moment est venu, on y va. Donc il y a une petite provoque, et en même temps, c'est le moment n'est pas venu, alors que deux évêques, un évêque et demi, dont celui un peu plus jeune et plus en forme, a une tendance un peu plus ralliée aussi. Donc en plus, ils ne méconnaissent même pas l'actualité. Menzingen parle bien du synode, un peu un Vatican III, quand on accélère un peu plus la révolution, on passe de 1789 à mai 68, hein, moi je le dis un peu comme ça parce qu'il y a la révolution sexuelle féministe et on va parler un petit peu des diaconas, mais voilà, Menzingen diffuse ce discours, cette déclaration de Mgr Lefebvre, elle proclame un peu un rattachement, une paternité, et en disant c'est un peu notre charte, on la garde encore. Évidemment, l'abbé Pagliarani, j'ai pu lire l'entretien en entier, et pas seulement les quelques paragraphes. Et alors il dit, ouais, on nous accuse d'être teintés de CD vacantistes, parce qu'en fait, on est... il ne dit pas comme ça, mais ils sont dans l'immobilisme par rapport à Vatican II, ce qui est vrai, ce qui fait un point commun avec le CD vacantisme. Leurs rites sont globalement les mêmes, sauf peut-être 2-3 virgules, si j'ose dire. Comme je crois Mgr Lefebvre a peut-être accepté certains petits changements mineurs de Jean XXIII voire Paul VI, ce qui se fait peut-être moins lâcher les CD évêques. Mais voilà, qu'a fait Mgr Lefebvre? Ben, en 1988, il a sacré 4 évêques, et s'ils ne le font pas, ils n'auront plus aucune liberté souveraine, ils en parlent eux-mêmes, hein. D'ailleurs, on n'a plus de liberté, c'est peut-être pas dit comme ça sans évêque, mais c'est le cas. Sinon, vous faites comme la Fraternité Saint-Pierre, vous faites appel aux évêques de Rome pour faire des prêtres, et donc c'est les nouveaux rites obligatoirement. Or, là, j'ai pensé à une solution alternative, c'est que pour ne pas avoir à faire les sacres eux-mêmes, ils peuvent demander à un autre, Mgr Williamson par exemple. Oui, tout à fait. Qui du coup, lui, bon, là, ça ne dérangerait pas, j'imagine. Quoique, étant donné effectivement les inimitiés qui peuvent exister entre les deux groupes, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'optique, je dis Mgr Williamson ou un autre, hein, et du coup, ils n'auraient pas apporté, eux, la responsabilité de nouveaux sacres. Est-ce que c'est possible, ça se passe comme ça? Mgr Williamson, il a dit en 2014, « Oh, est-ce que je vais faire des évêques? Je ne sais pas, peut-être 8, peut-être... » Il en a fait 8 et demi, tu vois. D'un seul coup, c'est la grosse fête. Et donc, ouais, au moins, il pourrait faire appel là à une lignée lefévriste, finalement. C'est Mgr oui. Williamson. Parce que même Mgr Tissier de Malory, quand c'est la lignée tuciste, donc Mgr Tuc, plutôt hostile, en général. Et même l'abbé Glaise, qui est un peu le théologien en chef sur l'ecclésiologie et tout ça, de la Fraternité Saint-Pédis, et qui, de toute façon, professe un petit peu tous les points du lefévrisme à toute échelle. Donc c'est un pape, mais c'est un mauvais pape, on lui désobéit, on a le droit de lui désobéir en tant que catholique, etc. Bon, qui sont en tout cas un peu des innovations dans les termes, puisque bon, normalement, désobéissance n'existe pas vraiment, c'est plutôt une hiérarchie verticale, mais bon, voilà, ça leur permet en tout cas de se préserver, de garder les rites contre le Vatican II. Et voilà, il y aurait juste, soit vous faites quelque chose, vous prenez le risque, il y a un peu de panache, et il y a l'opération survie de la tradition, comme ils disent, soit vous faites rien, et là, soit vous vous ralliez à Rome, ce qui reste de se faire franchement, soit il n'y a que, là, c'est la petite solution, Mgr Williamson, que vous avez un peu maltraité fut un temps, et sinon, les CDVacs, mais là... Là, ils n'oseront jamais demander à des CDVacantistes. Ouais, ouais, ouais. Il y a bien un évêque tradit, en Amérique du Sud, etc., qui accepterait, quelqu'un qui n'est pas forcément à la fraternité, mais qui accepterait parce qu'il est proche, etc. C'est possible, hein. L'autre revue, on va encore voyager un peu, on va aller aux États-Unis, particulièrement au Texas, avec le Vatican qui a envie d'expulser les carmélites de la ville d'Arlington. Donc au Texas, je disais, surtout que depuis que ces carmélites ont décidé de rejoindre justement la Fraternité Saint-Pédis dont on parlait, alors qu'avant elles étaient chez les modernistes. Pour la petite histoire, apparemment la supérieure serait accusée d'avoir transgressé son vœu de chasteté, et les moniales seraient accusées d'avoir perdu la foi. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, etc. Allez savoir, je ne suis pas dans l'intimité, dans les cœurs de ces gens. Par contre, elles disent en défense qu'elles prient pour le Saint-Père, je cite, nous prions chaque jour pour le Saint-Père, le pape François et notre évêque Michael Allen. Et donc voilà, donc elles font une profession de foi anti-cédévacantiste, donc il y aura un doute, pour se donner un peu de... Voilà, je suis perché. Ouais, c'est exactement ça, tu dis bien. Et la Fraternité Saint-Vincent, alors je ne sais pas pour des sœurs comment ça se passe, mais j'imagine qu'il y a probablement un rite et qu'il a pu être visité. Donc il y a 10-20 ans, elle aurait en tout cas pris en main vraiment les sœurs et... procéder à des... Je sais pas, après, voilà. Je m'y connais moins sur, par rapport aux femmes sœurs, disons. Mais comme tu l'as dit, il dit... alors certes, il y a le rapprochement franc avec la Frate Saint-Pédis, et en même temps, elle dit, mais on prie quand même pour le pape. Je crois pas qu'elle ose dire la conversion du pape, mais voilà, on prie pour Bergoglio, en quelque sorte. Et que fait Rome, en fait? Ses enfants demi-ralliés, elle les dévore, quoi. C'est... Donc voilà, et puis je crois qu'il y a des procédures, c'est un petit peu comme les sœurs en Espagne, là, bon, pour le coup, plus c'est des vacantistes. Mais dans les deux cas, ils veulent les expulser carrément. Voilà, t'es un clandestin, t'es Mamadou, sans titre de séjour, ciao quoi. Et vous prenez l'église catholique en or, la vraie, avec des hérétiques, avec, je sais pas, avec Luther, avec Erasme, etc. Même le provocateur, la Galilée. Elle aurait pu être 300 fois plus méchante, etc. Elle l'a condamnée, elle a tout ce que vous voulez, mais jamais elle met à la porte les gens ou des choses comme ça. Genre Galilée, il est protégé par Rome, c'est quand il quitte qu'il se fait choper par l'Inquisition. Quoi. C'est... Donc, limite, l'Église catholique, dans son attitude, elle n'a pas eu celle des modernistes, n'a pas trop celle, Frate Sympidis, avec les traitements de certains prêtres un peu réfractaires, qui basculent résistance, qui est Mgr Williamson, qui ceci, cela... Eux, ils sont assez durs. Hein. Il y a quand même de l'éjection, paf, coup de pied aux fesses, salut, quoi. Vous imaginez quand même quelqu'un comme Luther n'a pas été vraiment maltraité comme ça. Il y a les condamnations, les choses comme ça, mais après, physiquement, économiquement, au niveau du confort matériel, je veux dire, ils ne se sont pas attaqués à ça. C'est très moderne, hein, je trouve. Mais enfin, bon, c'est pas trop une attitude d'église, il faut faire attention. Et il y a bien une statue de Luther, il me semble, au Vatican, non ? Je crois que ça remonte à 2016. Oui, c'est ça. Ben voilà. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui va vouloir s'écarter du modernisme, enfin de la secte moderniste, et aller vers la tradition, va se faire fusiller de facto. Alors, la Frate Saint-Pierre, apparemment, ils sont en expansion. Ils ont annoncé avoir 386 prêtres et une progression continue ces dernières années. Ils ont toujours la messe en latin, bien sûr. Vous connaissez la Frate Saint-Pierre. Avec le petit vernis de doctrine catho tradie, etc., alors qu'en fait, ils sont un peu entre deux eaux, hein, entre le modernisme et la tradition. Bon, on va dire, c'est bien pour eux, parce qu'ils ont les vrais sacrements, etc. Et encore, je crois que sur le sacrement du mariage, je sais pas comment ils se débrouillent, mais à mon avis, ils se mouillent un peu trop. Mais bon, je sais pas s'il faut accueillir ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, pour le coup. Parce que si jamais, par exemple, la Fraternité Saint-Pilice, bah, justement, est en train de s'effriter à cause des histoires de ce manque d'évêques, est-ce que les gens ils vont aller plus chez la Fraternité Saint-Pierre, et donc se mouiller avec les modernistes, ou alors rester dans la religion traditionnelle, vraiment traditionnelle, et quitte à se faire insulter de tous les noms, quoi. Mais est-ce que la Fraternité Saint-Pierre donne vraiment des sacrements valides? Parce que bon, apparemment, la Fraternité Saint-Pierre, elle se fait... Ah, pour les vieux évêques, effectivement, etc. Qu'ils sont sacrés par des évêques, voilà, dont les sacrements épiscopaux sont douteux aussi, non ? Donc, s'ils se font sacrés par des évêques douteux, qui ont reçu des faux sacrements douteux, je parlais surtout de la messe en latin, c'est à ça que je faisais référence. Pour l'histoire de sacre, donc si jamais c'est des vieux prêtres, bah, du coup, généralement, il n'y a pas de souci, hein. Si c'est des prêtres qui ont mon âge ou moins, forcément, dans la Fraternité Saint-Pierre, c'est l'évêque du coin qui est appelé. Voilà, c'est pas... Donc l'évêque du coin du diocèse, hein, d'accord, donc les modernistes, systématiquement, c'est jamais un évêque à eux. Ils ne peuvent pas. D'accord. C'est pour ça qu'on pourrait se dire que c'est une nouvelle sympathique, parce que ça pourrait participer de la recristianisation et tout ça, mais voilà, comme on le dit, 386 prêtres, du coup, avec le point d'interrogation, on ne sait plus trop, et en fait, les vrais prêtres, d'un point de vue de l'ordination, c'est vrai que la messe, là, je crois que c'est globalement, bon, peut-être il y a un micmac des fois, mais je crois que c'est globalement... Là, j'ai bien assisté à une messe de la Fraternité Saint-Pierre, la seule, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est le seul point d'ajustement de la messe tradie, qui normalement est carré et on ne peut rien changer, etc., c'est l'homélie. C'est vrai que l'homélie, normalement, tu peux un peu la placer où tu veux. Et dans les missels, en fait, que vous avez chez vous, généralement, alors, je vais grossir le trait, d'accord ? Mais généralement, c'est après la lecture de l'évangile, oui. Ouais, en fait, généralement, vous avez le missel qui correspond, on va dire, je dirais pas le missel de la Fraternité Saint-Pilice, d'accord ? Mais vous trouvez des missels tout à fait traditionnels, où l'homélie est placée parfois un peu avant, parfois un peu après. C'est la seule variable d'ajustement. Et eux, du coup, ils font l'homélie et la quête très très tard dans la liturgie. Donc ouais, je disais, l'origine de la Fraternité Saint-Pierre, c'est une hémorragie plus libérale de la Fraternité Saint-Pilice. En fait, ils ont voulu vraiment se rallier pour le coup. Et donc, les premiers prêtres qui venaient de là ont été ordonnés dans le rite traditionnel dans l'ancien rite par des lefévristes, en fait, et les nouveaux, beaucoup moins, sauf exception de ceux qu'ils demandent. On a su de l'abbé Dutail qu'il avait fait ça, il avait fait exprès de demander à un prêtre lefévriste, et je crois que c'est le cas également de l'abbé Raffray, par exemple. Genre, l'ordination, il l'a fait vraiment demander dans... Voilà. Ancien rite d'ordination. Mais bon, dans ces 386, je crois qu'il compte des séminaristes, donc il y en a plutôt 350. C'est du coup à mi-chemin de la Fraternité Saint-Pédis, comme quoi on disait c'était vraiment le, genre l'immensité organisationnelle de la Frate Saint-Pédis qui a la première place et tout ça. Elle est le double de la Frate Saint-Pierre, qui est un peu la structure voilà, qui revendique pas mal de religieux. Je disais dans l'essai de Vacantis dans le monde, vous avez la CMRI qui est la structure la plus solide et qui a une centaine de prêtres, c'est 80 sur, et voilà, quasiment on peut arrondir à la centaine. Donc c'est quand même une certaine force de frappe, mais voilà, il y a toujours ce problème-là où ils ont été plus libéral, où le rite de la messe est quasi similaire, mais par contre l'ordination, là, c'est appel aux Romains et tout ça, donc bon. Voilà, c'est un peu embêtant. On ne sait pas trop si c'est dans l'onglet tradi ou moderno qu'il faut mettre. C'est plus moderne, je crois. Mais bon. N'oublions pas que Dieu vomit les tièdes. Oui, moi, je partage tout à fait cette conception. J'aime bien la césure, quoi. J'aime bien. On voit vraiment la différence, quoi. Et malheureusement, le problème, c'est que les gens qui sont comme ça entre deux eaux, s'ils penchent plus vers le mauvais côté. Pourquoi ? Parce que le mauvais côté, il est plus facile. Voilà. Être droit, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Bah oui, c'est la comme toujours, la voie étroite, c'est toujours la bonne, alors que bon, le diable propose toujours la voie de la facilité et la voie large, quoi. C'est sa force. On va parler un peu plus en profondeur d'une nouvelle actualité moderniste, attention, accrochez-vous, avec l'introduction du rite Maya, Maya l'abeille. Donc, on va dire l'expression de la messe face à une coutume locale avec donc des danses. C'est important de danser des danses rituelles, des femmes. C'est important de mettre des diaconasses. Voilà, donc ça, les Vatican a bien compris, des diaconasses partout, qui vont lire des trucs, qui vont, je sais pas, qu'elles vont danser aussi. Faire des pirouettes, je crois qu'il y a aussi, je sais pas s'ils l'ont mis dedans, mais vous savez, le jeter d'hostie comme ça en l'air, t'en lances 10, il faut les rattraper au vol avec le pied, la bouche, etc. Bref, un grand n'importe quoi, où là, on fait des dédicaces à, je cite, « Notre sœur, la terre-mère, et des offrandes Maya ». Il y a des fruits, il y a des graines, je ne sais pas s'il y a des guitares. On mettra le lien de l'article en description de la vidéo, parce qu'il y a des gens qui vont dire oh, « quand même, Aurémus, ils exagèrent, c'est des complotistes, ils en font des tonnes ». Ben écoutez, on mettra le lien de l'article avec tous les détails. Vous allez voir des messes avec de l'encens un peu partout et des femmes qui dansent moitié à poil, et etc. Ouais, vous me ferez l'idée. C'est pas du glossy, hein, vous inquiétez pas, là c'est sourcé, il n'y a pas de complot. Avec des coquillages mayas qui servaient jadis pour communiquer avec les ancêtres. Je précise, ce n'est même pas du troll. Hein. Ouais, c'est hardcore. Hein. C'est, en fait, littéralement... Parce que ça, c'est... il y a eu le laboratoire mexicain, ils ont fait quelques messes, et c'est du post-synode amazonien. C'est pour ça qu'il y a eu une hésitation, je crois, sur le titre à un moment donné. Messe amazonienne, messe maya, messe écolo, messe je sais pas quoi. Là, ça intègre carrément du paganisme sud-américain, et c'est validé par le Vatican. Alors, j'ai l'impression que c'est pas un modèle hyper exportable, donc si les Africains le veulent, ils peuvent faire du... paganisme vaudou, ça existe énormément chez eux, hein, de faire des danses rituelles avec plein de femmes et je sais pas quoi. Ah ouais, un peu avec cannibalisme et tout, genre danse religieuse quoi. Prends le corps du Christ et puis après, en même temps, il y a un Africain qui te bouffe en même temps. Bah oui, bah c'est, en fait, c'est l'archéologisme. Hein. D'ailleurs, même Vatican II, quand ils font la nouvelle messe, ils revendiquent les premiers siècles chrétiens. Il y a la faute de l'archéologisme. Et alors, avec le sacrifice d'Abraham. Je sais pas, on va vraiment mettre une vierge sur l'autel et y aller jusqu'au bout sans Dieu qui nous arrête, ou ça finit comment? Selon les continents, en fait, on réactive le paganisme local, indigène, et ça donne en fait la messe Paul VI. On peut plus l'améliorer, comme disait Lavagna. Là, elle est ringarde. Voilà, elle est ringarde, elle est dépassée. La messe Paul VI, c'est périmé déjà. C'est déjà l'extrême droite réactionnaire qui est cantonnée dessus, quoi. Je veux dire, ils ont réussi. Mathieu Lasagna, c'est dépassé. Ils ont amélioré encore la messe Paul VI. Du coup, avec du paganisme sud-américain, bon, va falloir exporter les latinos sur tout le globe terrestre pour qu'ils nous mettent la messe partout, parce que ça va être. Sinon, ça va être un peu dur de le faire quand tu ne l'es pas, quoi. C'est un peu, je sais pas. Les fans avaient le Brazilian Butt Lift, hein, et puis nous, on a la messe Paul VI et le rite Maya. Je sais plus quoi dire. Vraiment, ça. J'ai pas compris ridicule. La vanne. Je suis désolé. Tu connais pas le Brazilian Butt Lift, qui est les prothèses que se mettent les femmes dans les fesses pour avoir des plus grosses fesses. c'est même pas au Brésil, c'est très populaire dans nos pays qui viennent dégénérer. Bah voilà, on avait. Les Africains n'ont pas besoin de ça, c'est non. Naturel. Non, ça c'est bon. On fait pimp my mass, voilà. C'est pimp une catastrophe. Pimp my mass. Non mais c'est ça, hein, c'est. Ils et puis même pimp my ass pour le coup avec les prothèses. Oui, aussi au passage, oui. Non mais trêve de plaisanterie là-dessus, c'est une catastrophe, c'est la paganisation de la messe. Donc encore une fois, ça fait plus de 60 ans qu'on continue à aller dans la même direction. Quand est-ce que l'on va arrêter de se voiler les yeux et on va dire non, ce n'est pas la messe traditionnelle, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, c'est n'importe quoi, c'est du New Age, il n'y a plus rien. C'est vrai que là, ça témoigne à fond pour le traditionnalisme et même le constat. C'est vacantiste, quoi. Si tu veux pas, on dirait qu'il te pousse à le faire, tu vois. Ouais. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Et c'est des vacantistes. Et en fait, si, vous faites chier, quoi. Que tu le veuilles ou non, tu seras c'est des vacantistes. Le principal promoteur du c'est des vacantistes, c'est le pape François, ça c'est évident. Mais qu'il accélère, qu'il continue à accélérer à fond les ballons, plus il continue, plus ça devient évident. Je veux dire, il y a certaines personnes en France, donc je ne nommerai pas, hein, mais qui continuent à faire des débats pour dire « Ah, mais non, François, il n'est pas… » Mais ça devient… Attendez, vous dites, les gars, vous pouvez me dire ça sans trembler des genoux, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Puis vous… C'est cette secte qui occupe le siège de Rome actuellement, elle n'a fait que ça. Toujours en demi-teinte, de petits pas en petits pas, de petits renoncements en petits renoncements, de petits documents qui te disent oui, qui souffle à la fois, qui dit oui et non, qui souffle le chaud et le froid. Et là, d'un coup, on arrive avec Bergoglio qui arrive, non, attendez, tenez ma soutane, regardez ce que je fais. Alors là, il y va tout chousse, et personne n'est… Et voilà, c'est ça. Ouais. il se déguise en clown, il n'y a personne, il y a plein de que ce soit la Fraternité Impidis ou même plein d'autres prêtres qui au bout d'un moment, des prêtres qu'on peut apprécier, comme l'abbé Guy Pagès, par exemple, qui disent non, mais attendez, là, ça devient compliqué là quand même, on va peut-être arrêter le délire total, quoi. C'est évident. Ils sont là uniquement, petite touche par petite touche, renoncement de renoncement, renoncement, pour détruire en profondeur l'Église catholique et sa réputation, c'est leur but. C'est leur but. Disons qu'ils peuvent pas détruire l'Église catholique, mais ouais, en tout cas, ils singent l'ordre et ils ont en apparence, certains croient qu'ils le sont, et ça... On va dire que, mais Ratzinger, ils perdent les âmes. C'est vrai que c'était encore bien plus grave, c'est qu'ils perdent les âmes dans leur fausseté. Ah bah le modernisme, c'est l'assassinat des âmes, hein, de toute façon. Donc il y a rien de plus grave. Comme on dit, il faut plus craindre ce qui fait du mal au corps que l'âme. Et là, c'est ce que ça détruit. Hein. Et puis t'as Ratzinger Benoît XVI, donc qui connaît très bien la théologie, qui se rend compte que Vatican II et tradition de l'Église, c'est pas trop ça. Il parle d'herméneutique de la continuité, où tu fais un salto arrière finalement. Tu retombes sur tes pattes traditionnelles, alors qu'il constate, en citant un cardinal, je ne sais plus lequel, c'est un contre-syllabus, c'est l'anti-syllabus de Pie IX, Vatican II. Et il dit, mais non, mais en fait, quand même, on a continué. Et c'est vrai que tu cites l'abbé Pagès, lui, il n'est pas du tout œcuménique. Il est à fond conversion de l'islam, etc. Ah, alors oui. Que ce n'est pas la ligne de Rome, quoi. C'est pas du tout. C'est ça qui est intéressant. C'est justement pour ça, des gens comme des abbés comme ça qui sont fond dans la conversion, mais qui restent modernos. Ils disent, non, ça ne va pas être possible. Si vous êtes moderno, vous ne pouvez pas faire la conversion, puisqu'apparemment, on a tous le même Dieu. Puis tu disais, Vatican II, il y a une page à gauche, c'est catholique, une page à droite, c'est moderniste. Mais avec Bergoglio, c'est quand même, il y a une page ultra-gauchiste LGBT tout court. Quoi. C'est quand même... Ah oui, non, mais il y a... Et aussi une page au centre, c'est souvent le journal de l'UMA, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait pas. Ouais, il y a des liens entre Karl Marx, Macron, Bergoglio. Ouais, ça se recoupe pas mal, je trouve. Moi, je trouve que c'est... Ça va bien ensemble, ce monde dégénéré là. Donc, voilà, dans une logique, on va dire, catho-accélérationniste, on peut dire que, bah, allez-y, Bergoglio, continuez, on vous applaudit, vous êtes notre allié d'entre involontaires, vous êtes notre allié ah oui, c'est dans sûr. Cette démascarade de la secte considère. Donc, Là, ça va être compliqué même d'aller plus loin. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient inventer encore. Attends, je pense qu'on n'a pas fini de creuser là. Attends, ouais, écoute, maintenant, plus rien ne m'étonne maintenant. J'allais dire les diaconas prêtes, etc. Bon, ça, c'est déjà dans les cartons. J'allais même dire les trans, etc. Vous savez, le mois dernier, je m'étais planté en fait. Hein. J'avais annoncé une info comme quoi c'était un homme qui a fait une transition pour devenir une femme, etc. En fait, non, c'est l'inverse. C'est une femme qui a fait une transition pour devenir un homme, et donc cette femme devenue homme est en fait un moine, je ne sais pas comment il faut dire, pour le coup, aux États-Unis. Et donc maintenant, l'info s'est su, et puis réaction du diocèse local, on soutient la transition, parce que ça donne de la visibilité aux personnes martyrisées, machin, etc., blablabla. Non seulement... Non, mais ils n'ont pas dit martyrisées, mais persécutées, discrimination, etc., invisibilisées, voilà, ils aiment bien le terme-là. Non seulement... on soutient, puis en plus, alors, aucune condamnation de quoi que ce soit à des transsexuels maintenant. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourraient faire pire que ça, en fait. Mais ils vont trouver, ne vous inquiétez pas. Il y a le fameux... Il y a Einstein, le fameux juif. Bon, il a dit quelque chose de très juste quand même, c'est qu'il y a deux choses qui sont infinies, c'est l'univers et la bêtise humaine. Et encore pour l'univers, il n'était pas totalement sûr. Donc voilà. On peut toujours... tomber encore plus bas, il n'y a pas de limite à ça, je pense. Ouais, on continue. Ouais, malheureusement. On a accéléré. Hein. Là, ils ont, comme j'ai dit, ils ont pété les freins, ils ont décapoté la voiture, ils ont mis le turbo. Hein. Mais je cite un peu la suite. Là, on était un peu dans le thème des rites, vous savez. Alors là, ça dépend peut-être pas du Vatican directement, mais il n'a pas trop condamné non plus, on va dire. C'est que vous avez la cérémonie. Scandaleuse des JO qui a eu lieu, là, un peu trans, machin, Dionysos, anti-catholique, la parodie de la scène. Vous avez même à Notre-Dame, la provoque des vitraux modernes, le discours de Macron et tout ça. Donc vous avez des chapelets cathotradis qui se récitent dans ces deux lieux, par exemple. Et là, en particulier pour la cérémonie, c'est comme, vous savez, on consacre les églises, on les désacralise, on peut les revendre quand elles sont désacralisées. En Italie, il y a de ça, vous avez des restaurants qui sont dans des murs d'église, des choses comme ça. Là, ils ont inventé un truc, c'est la cérémonie homosexuelle, là où un chapelet a été récité contre une cérémonie homosexuelle. Donc, la messe de Paris VI a encore été améliorée. Réhomosexualisation. Voilà. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu ça. Oui. Ces gens sont des fous. Incroyable. Il y a la consacration des lieux, là, c'est la sodomitrisation du lieu, voilà, qui a été désodomitisé. Donc voilà, on vit soi-disant dans une société laïque, mais là, en fait, t'as les homosexuels qui carrément s'inventent des rites, justement, c'est carrément une religion, voilà. On va re-homosexualiser un lieu, comme si, voilà, on consacrait une église. C'est une religion. Que c'est vrai que c'est une activité très saine que leur activité sexuelle, hein. Effectivement, mais il faut quand même bien savoir ce que sont les homosexuels. Il faut quand même bien rappeler que ce sont des gens qui très souvent se droguent par les chemsex. On a bien vu ce que ça donnait avec Pierre Palmade. Que ce sont des gens qui ont très souvent des maladies qu'aucune personne normale n'aura et que ce sont nos impôts qui payons aussi les traitements qu'ils doivent avoir. Donc il faut quand même arrêter le délire. Et ces gens-là viennent nous donner des leçons de morale comme quoi on devrait être tolérant. Enculé, tapette, pédé. Tarlouse, etc. Non, mais c'est du délire. Et qui viennent en plus sur des sortes de rituels pour réhomosexualiser une voix qui, parce qu'on a eu un chapelet contre justement l'insulte qui a été faite à la scène, à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre religion. À la religion qui a fondé la France et qui a permis d'ailleurs à ces gens-là de devenir, qui leur a permis de vivre. Et malheureusement, aujourd'hui, ils autorisent à devenir des dégénérés après la Révolution française. Et ils se plaignent d'être persécutés, ces homos. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien déclaré et ils ont fait ça à la sauvage. Donc les flics ont débarqué en une demi-heure, tu vois. Pas normal. Quel que soit le motif de la manif, tu t'organises comme ça, hein, des trucs à l'arrache à Paris, oui, bien sûr, les flics, ils arrivent. Ouais. Non, non, mais attends, s'ils veulent vraiment se sentir persécutés, se sentir martyrisés, qu'ils aillent faire un tour dans un des quartiers de jeunes. Bon, je suis sûr que les jeunes seraient contents de les avoir. Apparemment, les jeunes sont friands de certaines choses, mais apparemment, ça compte pas comme l'homosexualité dans un certain sens chez eux. Si Allah y voit pas, c'est bon. Eh, il est très omnipotent et omniscient. Dans les autres provocations du genre, on reste dans le thème inverti. Il y a Saint-Louis et Tégué. Alors, c'est Saint-Louis de Gonzague, c'est pas de France, c'est pas Louis IX. Ouf, et encore, le pauvre Saint-Louis de Gonzague. Ouais. L'évêque émérite de Saint-Martin lâche cette bombe. Il dit Saint-Marin, juste Saint-Marin. Ça. Saint-Marin, pardon. De Saint-Marin et. D'accord, en Italie. Je dis en Italie. Je sais pas si c'est un État indépendant pour le coup. Je sais pas si ça appartient à l'Italie ou si c'est indépendant. Non, c'est indépendant, oui. C'est indépendant. Tant pour moi, ouais. Mais dans le territoire quand même. Et ça a contraint donc la famille Gonzague, les descendants directs, de produire la démonstration qu'il avait tort. Et il se défend en disant c'est l'opinion d'un jésuite, les sources marquées de la Franquerie, vous savez, telle prophétie, deux points, une moniale. Quoi. Je l'ai croisé dans la street. Coucou, qu'est-ce que t'as vu? Bah, j'ai vu une soucoupe volante, j'ai lu Laurent Glosi. Voilà, donc là, sa source, un jésuite, on sait pas trop lequel. Ouais. On sait pas de qui il parle, le gars, tu sais. Wesh, frère, pour moi, wesh. Source, voilà. Prends-moi, s'il te plaît. C'est-à-dire que c'est pas assez. C'est, la société crache quand même à fond sur les catholiques. C'est pas assez. Faut aussi que les clercs, quand même un évêque, y a à fond, tant qu'à faire. Allez, hop. Non, c'est du délire total. C'est du délire total qui a été un peu initié. Je ne sais plus, Jean-Paul II l'a fait. En fait, il a commencé à employer Saint-Louis de Gonzague, Saint-Patron, des... alors, c'est quelle maladie déjà? Je ne crois pas que c'est la syphilis, mais c'est quelque chose du genre. Genre une maladie un peu sexuelle, machin. En fait, c'est pour ça qu'il... Souvent, le terrain, il est préparé. Un peu comme Paul VI fait sauter le verrou de la messe. Sous Bergoglio, ça y est, c'est la fête, quoi. On part ailleurs. Bah là, Jean-Paul II avait préparé le terrain quand même en commençant à faire, voilà, on peut, t'as des saints patrons qui intercèdent pour des trucs un peu étranges, quoi. Alors, bah, Monseigneur Andrea Turazzi, donc celui qui a professé donc cette hérésie, et ben bah, moi je vous annonce, en fait, il est gay. Voilà, source, voilà. Ouais, mais t'as peut-être raison quand même. Ouais, c'est possible. On n'a pas dû avoir le même catéchisme et lire la même Bible, c'est pas possible. Parce que c'est explicitement condamné par l'Église, l'homosexualité, ouais, comme étant un acte contre nature qui crée vengeance à Dieu. Le dogme évolue. Oui, pardon, excusez-moi. Je t'arrête tout de suite. Hein, pape Père Matthieu Ier a tranché la question, c'est pas condamné. Je t'arrête tout de suite. Les anciens prêtres TikTokers. Ce qui est condamné aujourd'hui, demain, ça change. Tout évolue. C'est nous qui sommes condamnés maintenant. Bah, ils ont ça, lu, ça évoluera pas, par contre. Tu seras toujours condamné. Ça bouge pas. Pour le coup, c'est intangible, c'est un peu curieux. Ouais. Mais bon, ils ont lu un nouveau catéchisme, ils ont le droit canon de 1983, ils ont peut-être lu la Bible Louis II, les trucs un peu... Je sais même plus si c'est 100% protestant ou c'est un catho un peu... protestant-phile, quoi. Voilà, non, je crois qu'il est vraiment protestant, Louis II. Je crois que c'est un... Il était calviniste ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis. C'est un nom qui sonne un peu comme ça, généralement. Donc, c'est pas bon signe, ouais. C'est pas une traduction, je recommande, ouais. Ouais, alors qu'il la lise. Bah, je passe un peu à la suite. Là, on a fait un peu les homos. On va faire les avorteurs et les diaconas. Du coup, visite impromptue, nous dit-on, et plutôt privée à la base, mais bon, il y a des photos un peu partout, donc le mot privé, ça colle plus très bien, on va dire. En fait, Bergoglio, vous savez, il avance ses pions sur les homos. D'un côté, il dit un truc, il y a eu une sortie à un moment donné, les pédales, ceci, cela, lol, et donc on l'a pris pour homophobe dans les médias, et d'un seul coup, il... Chaud-froid. Et ben ouais, là, pareil. Il s'était défendu justement en avançant, ce qui est vrai pour le coup, que l'italien n'est pas sa langue maternelle, hein, c'est l'espagnol, et qu'en fait le terme, il pouvait pédale, apparemment, il ne savait pas trop si c'était genre efféminé ou pédale, et voilà. Bon, c'est possible. Hein. Ouais, pas impossible, j'avoue, il faudra voir les deux petits mots. Là, il a fait un peu le même coup sur l'avortement, hein. Il a rappelé il n'y a pas très longtemps, c'est un meurtre, etc. Tu vois la citation, tu fais « mais wow, la droite radicale est revenue, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, en fait, il rend visite à Emma Bonino, qui est une avorteuse en chef, qui en fait avait subi une petite convalescence, elle était aux urgences, elle en est sortie, et donc il est allé la voir pour nous dire à tout le monde « tout va bien, ouf, elle est en bonne santé, super ». On est rassurés, hein. Satan va bien, pas de problème. Ouais, c'est ça, pour continuer à avorter des enfants innocents et à détruire la natalité des femmes européennes. Voilà, C'est justement, c'est ce que je disais avant. On voit très bien les actions qu'il fait. À la fois, il souffre le chaud et le froid, mais on voit très bien les actions qu'il fait, les gens de qui il s'entoure, les réunions qu'il a avec les LGPD ou ce genre de personnes. Qu'est-ce Exactement. Qu'il vous faut de plus ? Jamais un vrai pape ne ferait une chose pareille. Puis tu as bien dit le truc, c'est... Il y a ce que tu dis et ce que tu fais. Des fois, ce que tu fais, c'est ce que tu as dit, et des fois, non. Et là, on voit en fait ce qu'il fait vraiment. C'est ce qui te définit, c'est vraiment ce que tu fais. Parce que ce que tu dis, tu vas pas forcément le faire. Ce que tu fais, ça fait partie pleinement de ton être. C'est validé, c'est sûr et certain. C'est malin comme façon de procéder, parce que c'est défendable en fait, dans le sens où, entendons-nous bien, quelqu'un pourrait dire, attendez, il ne s'agit pas là d'un acte infaillible, etc. C'est une erreur, les papes font des erreurs, c'est aussi un homme, etc. Ok, très bien. Donc, mais bon, c'est quand même, ça y va fort, quoi. Et, en plus, c'est sur le... Un argument que je l'ai déjà cité ici, mais je peux encore citer l'argument assez fort d'Adrien Imposi, c'est aussi le manque de condamnation. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il n'y a pas de mots qui expriment les condamnations, il y a un silence. Donc, qui ne dit mot consent, vous connaissez le proverbe, faut pas l'appliquer à tout, mais là il y a quand même des milliers d'opportunités de faire des condamnations claires pour régler un problème, et comme il n'y a pas ces condamnations, bah, ça veut dire qu'en fait il acquiesce, quoi. Il est dans le bise. Ouais, si on donne constamment des laissez-passer, il dit « Ah mais non, mais il peut se tromper, encore une fois, et encore une fois bah, », à quoi ça sert finalement d'avoir un pape si finalement bah, on peut avoir une autorité, mais finalement, bah, se trompe, du coup, bah, on doit se contenter de son propre jugement personnel et voilà, pas obéir, finalement. Oh, là-dessus, je te trouve dur. Ça sera à quoi, finalement ? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec cette conclusion-là. Pour le coup, on est en désaccord, Ludwig. Bon, n'importe qui, etc., il est pas dans le magistère infaillible, etc., il peut se tromper. C'est juste que... Non, il se trompe tous les jours, et publiquement, c'est ça en plus. Ah oui, qu'on s'entende bien, en matière de foi et de mœurs, normalement, il est infaillible. Ouais, c'est puis là, les mœurs, ça commence à être pas très... Ouais, c'est pas reluisant, là. Il y a la communion des divorcés remariés, hein, qui est globalement acceptée, on n'en parle même plus, tellement c'est entré dans les mœurs, on n'en parle même plus. Je pensais que c'était déjà acté, moi, ça. Ouais, c'est tellement acté que... Il n'y avait pas le concubinage, aussi qui était passé là-dedans en même temps. Je crois qu'ils osent ça moins, mais bon, on va dire c'est accepté sans le dire quoi. Mais bon, voilà, il y a cette stratégie un peu de réconforter l'un et l'autre en disant un truc critique et un truc. Mais bon, voilà, sur l'avortement et les homos. Et toujours le truc, la bonne petite pirouette, faut voir au cas par cas. Donc en fait, dans l'optique, finalement, on maintient. Ah non, divorcés ou mariés ne peuvent pas communier, machin. Sauf si l'un des deux époux qui décèle, etc., et l'autre peut... Bon, bref, vous connaissez la théologie mieux que moi. Non, principe général, et au départ, après, à la fin, il y a des cas par cas. Et on ne sait pas... c'est le flou total, en fait. Hein. Et c'est fait exprès. C'est le bon admettons, c'est la chauve-souris de Bigard. Bon, admettons. Admettons, là, on rentre le digicode. C'est ça, t'en finis plus avec le bon admettons, mais c'est ce qu'ils font, c'est exactement ça, ils font ça, c'est du camoulox leur truc, ça ne veut plus rien dire, c'est une religion nouvelle, on a une secte, et il serait bien, de bon ton, que les gens s'accordent là-dessus plutôt que de se taper en permanence et dire non, là c'est plus possible, ils se foutent de nous, parce qu'officiellement ils se foutent de nous, la force de nos ennemis c'est notre faiblesse, la droite nationale, je ne sais même plus, la droite dénationale, complètement désunie, où tout le monde tape sur tout le monde, et où une grande partie de soi-disant notre milieu ne pense qu'une chose, c'est faire du fric, et avoir raison et censurer les autres, voilà, au passage. Donc là, sur nos fameuses diaconasses, pourquoi pas la suite. Je propose qu'on conclue l'émission sur les diaconasses, on a deux, trois choses à dire. Faisons feu de tout bois. Non, parce qu'il y a des demi-kabyles féministes tradis qui nous attendent sur ce sujet-là, donc on va leur faire plaisir. Ben, en parlant de ça, je peux commencer à m'exprimer, histoire de mettre le ton. Ce genre C'en de est personnes... un, c'est un ton. Oui, oui. Ce genre de personne qui d'ailleurs ferait mieux d'aller jouer dans le film Scream, hein, au vu de ses prédispositions, je suis sûr que ce genre de personne, oui, on parle de toi Cassandre, je suis sûr qu'elle serait tout à fait capable d'aller chez les modernistes et de joindre les diaconasses. Effectivement, je l'attends, puisqu'on voit qu'il y a le féminisme a corrompu même les milieux traditionnels, lorsqu'on a des femmes qui osent s'exprimer en disant ce que, dans les milieux tradis, qui doivent dire « voilà ce que doit être un homme ». Non, vous n'êtes pas des hommes, vous ne saurez jamais ce que doit être un homme. Jamais, jamais une femme ne pourra élever seule des garçons, leur dire « c'est comme ça que tu devras être », c'est quasiment impossible. Il y a toujours besoin d'avoir une figure masculine, surtout de nos jours, Quand on voit ce que sont devenues les femmes, qui sont des créatures émotionnelles par excellence, pour élever des garçons et en faire des hommes. Et on peut revenir là-dessus, c'est une petite digression, mais quand on voit aujourd'hui que 44% des enfants aux États-Unis, par exemple, sont élevés par des mères célibataires et que plus de 80% d'entre eux, la très vaste majorité d'entre eux, finissent par être des drogués, des dégénérés sexuels, des délinquants, etc., etc. Voilà. Et on veut faire venir aujourd'hui des femmes, la femme moderne, comme étant responsable de la santé des âmes et de guider les gens vers le salut. Eh ben, on est mal barré, hein. Oui, on voit ce qui se passe quand on leur donne le droit de vote. Leur préoccupation, ce n'est pas le bien commun, mais tout ce qui compte pour elles, c'est est-ce que j'ai le droit de tuer des enfants dans mon ventre ou pas. Là, ce qui s'est passé pendant les élections américaines, ah oui, c'est ça, oui, ça, oui, c'était incroyable comment d'un côté, les démocrates, ils ont centralisé leur campagne sur cette question-là uniquement. Ne votez pas pour Trump, ils vont restreindre vos droits de tuer des enfants dans vos ventres, etc. Et c'est leur seul programme, en fait. C'était ramener le droit à l'avortement. C'était juste ça. Et les femmes... Je vous cherchais. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, démon ! Excusez-moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Je comprends pas comment on peut en arriver à cela. On dirait leur seule fonction qu'elles ont de différente d'un homme, vraiment, c'est de faire des enfants. L'homme peut pas faire seul des enfants. Mais non, elles sont prêtes à tout pour garder soi-disant cette liberté. Parce que c'est notre liberté de choisir quoi ? D'être des catins et des meurtrières ? Vous êtes sûr ? Alors, sur le cas des diaconas là, en particulier, donc il y a le journal La Croix qui, à la mi-novembre, leur dédie... ils ont encore oublié d'être catholiques depuis des décennies, et là, ils continuent. Donc, à ces fameuses diaconesses, vous avez ce groupement qui part des États-Unis, il y a des monseigneurs Ginette, je sais pas quoi, là. Et donc, Ratzinger, Benoît XVI, il les excommunie officiellement, fut une époque. Bon, ça existait encore un peu. Là, non. Par contre, elles font des manifs à Rome, au Vatican. Ils ont des énormes structures et tout ça. Donc, il y a un pauvre malheureux père conciliaire qui a dit c'est une fausse bonne idée parce que ceci, cela. Elles arrivent en mode full hystérique, vous me direz, réaction un peu naturelle. Elles commencent à vanter un petit peu les grandes personnalités féminines de la Bible, de l'Évangile, la Samaritaine, Magdalène, la Vierge Marie, Judith, enfin tout ça, en disant « Ah, depuis on a été oublié par 19 siècles d'Église patriarcale ». Alors déjà, t'es une connasse, les femmes n'ont jamais été oubliées par l'Église, c'est juste qu'elle n'en fait pas des mal-alpha, doctes, enseignants, dirigeants, des fureurs. Quoi. Voilà, on ne met pas les femmes en tant que fureurs, elle est mise à l'honneur dans sa nature propre et selon les vues de Dieu. Du coup, elles sont dans la provoque pure, elles osent te dire ça en fait, quoi, que limite, c'est du protestantisme plus, où t'arrives à ton siècle de merde, hein, et tu dis... Et tu dis, l'Église s'est trompée pendant 1900 ans, moi j'ai la solution, en fait, faut mettre des gonzesses partout. Quoi. Comme elles ont fait un peu avec... D'ailleurs, tout ce qui était exclusivement réservé aux hommes a systématiquement été ou dénoncé ou infiltré par les femmes. Par exemple, on avait des gyms qui étaient juste réservés aux hommes, et ben, les femmes n'en ont pas voulu, ça a été détruit parce qu'il y a eu des cas aux États-Unis de ça, où des clubs ont dû fermer ou ouvrir leurs portes aux femmes parce qu'il y avait des plaintes, etc., alors que les femmes peuvent avoir leur propre gym. Il y a eu le cas des scouts, des boy scouts. Les scouts il y avait à la fois les scouts pour les filles et les scouts pour les garçons. On a voulu faire venir les scouts pour les filles. Tout s'est cassé la figure. Ça ne fait que ça, systématiquement. Même au travail, hein, des collègues féminins, surtout pour encore plus pour un boulot un peu plus physique, j'allais dire. Ah non, mais il y en a limite, pas. À la limite aujourd'hui, mais en même temps, elles sont pas là, tu me diras. Mais même dans les métiers non physiques, je préfère travailler avec le collègue masculin, c'est clair. Hein, Ah oui, très clairement. Ça va être un peu plus efficace et tu vas un peu plus rigoler, tu vois. Ouais, c'est clair. À la plonge, peut-être. Dans les restos. Cuisine. Peut-être non, les même... femmes. Non mais même pas. Même pas. Honnêtement, c'est quoi comme tout le monde. Elles ont une habileté naturelle à faire la vaisselle. Donc, non mais le rôle de la femme, c'est d'être faire naître des enfants. Et élever des enfants, s'occuper du foyer, c'est déjà une immense responsabilité. Contrairement à ce que tout le féminisme a tenté de dénoncer et de faire illusion aux femmes en leur racontant des histoires comme quoi elles étaient esclaves, c'est faux. Les anciennes lois qui étaient mises en place n'étaient pas pour rendre les femmes esclaves, mais pour les protéger contre leur propre nature qui est chaotique et destructrice. lorsqu'on les laisse libre cours à leurs émotions. Les anciens Grecs le savaient déjà, les Romains le savaient déjà et l'explicitait bien comment étaient les femmes. On a trouvé des longues tirades. Tout le monde le sait. Les talibans le savent. Les talibans le savent. Même les députés de gauche du 19e siècle le savaient. Donc, voilà. Exactement. Nous sachons. On a voulu, je ne sais pas pourquoi certains hommes ont voulu faire la révolution. Enfin, on nous a forcés à faire révolution sexuelle. La réalité est qu'aujourd'hui, les femmes sont partout, nulle part où elles devraient être. Elles sont devenues des catins. Putain ! C'est ça. Elles sont devenues des folles furieuses et des catins. À tel point aujourd'hui que se marier pour un homme, malheureusement, même dans les manières traditionnelles, malheureusement, est devenu dangereux. Et donc ça ne rate pas, hein, puisqu'on pourrait se dire, allez, le Vatican ne dit pas grand-chose, peut-être qu'il va finir par dire, ouais, quand même, c'est trop. Et au terme d'un sommet mondial, après avoir dit quand même, non, c'est une fausse bonne idée, la question de l'accès des femmes, je cite, au ministère diaconal reste ouverte. Genre, il laisse la porte entrouverte, quoi. Et ce discernement doit se poursuivre. Genre, on dirait que ça a l'air d'être un truc sympa à analyser ou je sais pas quoi. Donc, le Figaro relate ça, là. C'est pareil, c'est toute dernière semaine, tout récemment. Donc, ouais, on voit que finalement, c'est un petit peu validé, suivi. Hein. C'est un document de 51 pages. Ça doit être illisible. Ouais. Alors tu viens de citer le pape François, je précise, hein, le ministère diaconal reste ouvert, etc. Ce discernement doit se poursuivre. Peut-on lire dans le document final approuvé par le pape François ? Et donc ça doit sûrement être imbuvable, puisque plus tard on voit qu'une citation qui veut complètement plate, on se demande ce que ça fout là, parce que si vous avez rien à dire, pourquoi le dire ? Ça n'a aucun sens. Si les femmes et les hommes ont une dignité égale en tant que membres du peuple de Dieu, les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une plus grande reconnaissance de qui, de quoi, on ne sait pas. Donc moi, je vais traduire ça en langage compréhensible. L'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. C'est ça. Voilà, exactement. Enfin bon, moi, perso, je dirais que, pour résumer un peu le général, on va dire, c'est que vraiment, si tu veux détruire une société, c'est vraiment, d'abord, libère la femme. Voilà, libère la femme de son rôle traditionnel et laisse-la sortir de la maison. Et en faisant ça, bah, on ouvre une sorte de boîte de Pandore qui entraîne toute une série de tentations vers le péché, parce que voilà, on a les hommes mariés qui ont déjà une épouse ont la possibilité d'interagir avec d'autres femmes dans la vie publique et inversement. Ce qui, en fait, quelque part, ça tente à développer des relations extra-conjugale, ce qui mène voilà, vers l'adultère, le divorce, etc. Et ce qui mène vers la destruction de la cellule familiale. Et c'est la première chose qu'il faut détruire si on veut détruire une nation et un peuple. Et voilà, c'est ce qui amène vraiment à tous ces phénomènes de dégénérescence. Alors que si les femmes étaient restées à leur place et que la vie publique était restée composée exclusivement d'hommes, il n'y aurait pas eu de tentation de péché des deux côtés. Voilà. Mais je voudrais rajouter aussi quelque chose là-dessus, c'est que non seulement, là je suis d'accord avec toi, mais non seulement aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont tendance à plus tromper leur mari, de plus en plus, même on n'a pas toutes les statistiques, enfin si, je crois qu'on a des statistiques qui le montrent qu'elles ont tendance maintenant d'une à briser leur mariage. 80% des divorces aux États-Unis sont initiés par les femmes, 90% si elles sortent des universités. Et elles ont tendance maintenant à avoir accès avec les applications, on appelle ça de rencontres, à pouvoir avoir tout ce qu'on appelle un roster de gens, et elles trompent souvent leurs partenaires de plus en plus. Putain ! Et on voit aujourd'hui, donc on a aujourd'hui, par rapport au diaconat, c'est simplement la montée en puissance d'un féminisme qui n'est pas là pour l'égalité homme-femme, ils n'en ont rien à faire l'égalité. C'est la destruction de l'ordre établi, la destruction de l'homme et la destruction de l'Église, de la foi, donc du Père. Donc c'est une encore un combat contre Dieu, qui est la figure paternelle, puisqu'on avait très bien vu chez les protestants dans une des émissions, où les protestants voulaient dire « Non, non, en fait, Dieu est une femme. » Et c'est juste la continuation de tout ça. Ça continue. Ah oui, c'est la logique finale, en fait. Voilà. Oui, Ève nous a fait tomber Adam et l'humanité hors du chemin du jardin d'Éden, et c'est la continuation que si on ne met pas, on lâche la bride aux femmes et qu'on les laisse libres de faire ce qu'elles veulent, elles détruisent absolument tout. Et que c'est à la force de l'homme. Et aujourd'hui, comme je vois certains débats de plus en plus, ils disent « Attendez, mesdames, vous avez uniquement vos droits parce que l'homme a décidé de vous donner des droits. » Aujourd'hui, si les hommes décident de vous enlever vos droits, vous ne pouvez absolument rien faire, même avec des... Vous n'êtes incapable de vous défendre. C'est pour ça qu'elles sont hystériques et qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas d'elles-mêmes, donc ça provoque encore plus de furie. Quoi, en fait. C'est pour ça qu'elles essaient de féminiser la société au maximum. Oui, parce que la lavette, évidemment, va rien faire, alors que... Après, là où elle va se plaindre, c'est de ne pas trouver des vrais hommes derrière. Mais bon, tant pis pour elle, on ne peut pas tout avoir. Bah, c'est pour ça qu'elles importent après, qu'elles importent des étrangers, qu'elles veulent avoir absolument des rapports avec des hommes, et qu'elles font venir des étrangers d'autres pays où la culture est plus restée traditionnelle, où les hommes disent aux femmes, écoutez, vous êtes mignonne, mais c'est ta place, c'est la cuisine. Cuisine ! C'est pour ça que les femmes très très à gauche aux États-Unis, qui disent en tout cas, c'est ce qu'elles déclarent, avoir des fois des mecs qui sont aussi très très à gauche, en fait, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il y a un énorme fossé. Elles vont vers les mecs de droite, en fait. Et puis après, elles font des blogs, etc. Elles disent « Oh, j'étais traumatisée parce que j'ai rencontré un type, etc. » Et en fait, il faisait des saluts hitlériens, mais il est quand même... Il avait une statue d'Hitler dans l'entrée, mais ouais. Bon, au début, il était gentil. Ouais, il a des muscles, il ressemble à un homme, et il m'a dit de me fermer ma gueule. Je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse. Mais non, tu te trompes, c'est pas une statue d'Hitler, c'est Charlie Chaplin, mais non. On voulait terminer l'émission là-dessus, mais c'est vrai que Rex voulait absolument pousser un sujet un peu rigolo. Alors rigolo, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est triste, mais on en pleure de rire, on va dire. Il s'est passé quand même un événement assez dingue en Italie. Vous savez, en Italie, il n'y a pas de laïcité à la française, hein, ça n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent. Il y a encore des lois qui interdisent de diffamer la religion. Donc voilà pour le cadre. Et donc en fait, il y a une exposition scandaleuse dans une église avec une peinture. Je ne vais pas décrire le truc là parce que c'est vraiment scandaleux. Mais ouais, c'est impureté, quoi. Ouais, d'impureté qui met en avant directement Jésus dans des trucs sexuels, etc. Qui était. C'est un tableau, donc c'est de l'art, etc. Poète, vous connaissez la rhétorique, hein, qui a été appuyé par l'évêque local, donc le moderniste Monseigneur Castellucci. Et bah, donc, maintenant, ce monsieur Castellucci, il doit être traîné devant les tribunaux parce qu'il a fait de la diffamation envers la religion, parce qu'il a appuyé cet événement. Maintenant, c'est les évêques qui se font traîner devant les tribunaux parce qu'ils vont trop loin dans le modernisme, quoi, tout simplement. La presse italienne confirme, genre, c'est un cas unique dans l'histoire où, genre, une église consacrée, t'as un tel événement où il y a un clerc qui est censé être responsable et que l'État va à son encontre. Ouais, vraiment, c'est les clercs qui montent au créneau pour défendre la religion, etc. Là, maintenant, les mecs, ils sont attaqués, et donc, voilà. C'est l'État laïque italien qui sauve la foi. C'est ça, l'État sauve la foi, c'est du jamais vu, surtout dans l'époque moderne. Bon, ça, c'est le genre de choses auxquelles tu t'attendrais pas. Et ce qui est intéressant, là, en gros, ce que nous a fait le soi-disant artiste, hein, entre guillemets, c'est un peu la même chose que le Peace Christ, quelle horreur, qui avait eu, je crois, en Corse, et le mec, les Corses avaient dégradé littéralement l'œuvre et avaient dit au mec de se barrer, sinon il finissait au fond de l'océan. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là n'ont pas d'argument, mais c'est directement l'insulte. C'est comme du Charlie Hebdo. C'est même plus de l'humour, c'est juste de l'insulte dégueulasse. Je suis pour l'humour, j'aime bien rigoler. Quand on en arrive à l'insulte, après, il ne faut pas s'étonner que quand l'Inquisition sera rétablie, c'est pas une blague, hein, quand il y a l'Inquisition, parce qu'elle va être rétablie, l'Inquisition, qu'il va y avoir des gens qui vont payer cher ce genre de choses. Que vous ne soyez pas d'accord avec nous, c'est une chose. Venez débattre. Le débat. Dans la politesse, on ne vous insulte pas. Mais quand vous venez arriver à des choses comme ça et que vous nous insultez, et qu'en plus, on a des clercs qui sont censés normalement protéger la foi et défendre notre Seigneur, et qui, au contraire, se positionnent pour ce genre de choses, puisqu'il a hébergé l'exposition dans une église, il va y avoir il y en a qui vont faire feu de tout bois. Je vous garantis. Hein, parce que c'est vraiment extrêmement, c'est très, très grave. Et surtout de voir que c'est l'État qui prend en charge, dit non, mais là, en fait, on va porter plainte. Et le clerc ne fait pas son travail. Par contre, du coup, l'État dit, toi, le clerc, on va s'occuper de toi. C'est dingue, complètement dingue. Je suis obligé de partager une anecdote qui est à mourir de rire. Donc là, Longinus, ça fait référence l'œuvre, Peace Christ. Il y a aussi en France un équivalent tout aussi immonde. Qui est du Golgotha Picnic, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une vieille affaire. Hein, qui était, oula, si le nom dit quelque chose, c'était ouais, quoi c'est, déjà c'est une pièce de théâtre qu'en gros, on moque tout à fait, de manière copieusement, le Christ et les chrétiens, open bar, parce que c'est de l'art, etc. C'est Tout ça, c'était tenu par le Théâtre du Rond-Point. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Michel Ribes, c'est un bobo parisien qui a la tête de ce qu'il est, qui est homosexuel, évidemment, très, très homosexuel, ça se voit. Il parle 5 secondes, vous avez compris qu'il est homosexuel. Et donc, il s'était défendu pour dire, ah, écoutez, quand même, liberté d'expression, c'est de l'art, on a le droit à la satire. Alors, moi, je vais vous donner une anecdote sur ce monsieur qui s'était défendu comme ça. À un moment donné, je crois que c'est encore l'article en ligne, hein. Vous pouvez taper Jean-Michel Ribes Nancy. Je crois que c'est à Nancy, hein, ou Metz, je ne sais plus. Mais je crois que c'est à Nancy. Il s'était rendu en Lorraine, pour le coup, et après être descendu à la gare de Nancy, il avait été accueilli par des gens de chez nous, par des cathos tradis, qui avaient fait un énorme troll, en fait, qui avaient récolté des excréments de chiens pendant plusieurs jours auparavant, et qui ont lancé des excréments de chiens sur ses vêtements, son visage, partout. Il était recouvert d'excréments de chiens, et ils lui ont dit, bon, on a le droit, c'est de l'art. Voilà, on fait comme toi, on a le droit. C'est exact, c'est ça. Il faut leur redonner la monnaie de leur pièce. Et au bout d'un moment, c'est lorsqu'on insulte notre religion, lorsqu'on nous insulte, on sait tendre la joue quand il y a le combat. Quand il y a certaines réactions qui ne sont pas nécessaires, on les ignore, mais il y a d'autres fois, on a fini de tendre l'autre joue et on rend coup pour coup. Si vous nous faites chier, on vous chie dessus. Sachez-le, messieurs. Ah, en même temps, d'une certaine façon, ils suivent un peu leur François Zéro, hein, parce que même, on n'a pas parlé, mais il y a le jubilé 2025 qui arrive, ils ont trouvé une icône androgyne, etc. Le nom de Luce, là, qui veut dire lumière, qui fait un peu luciférien, alors là, il y a tout qui tombe. On verra un petit peu ce qu'il en est là, ces prochains mois, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais tout ce qu'il y a d'homosexualisation, de diaconas et de tout ce que l'on a dit, c'est pas si étonnant. Hein. Même François Zéro nomme le Padre Pasolini autour de lui, pareil, il a fait Gay is Normal et tout ça. Non, mais il invente une histoire d'amour odieuse entre deux personnalités de la Sainte Bible. Et il va dire... mais eux, c'était bien parce qu'ils étaient charitables quand même. Donc, c'est du hors-sujet, machin. Mais voilà, finalement, c'est un mouvement. Ils sont tous comme ça. Et on assiste à la sécularisation aussi, entre guillemets, la religion catholique. Ces gens-là, ils professent un truc où la rédemption, c'est le monde qui l'amène sur eux. Ce n'est pas l'Église qui convertit le monde, c'est le monde qui est converti par l'Église. Et ils parlent de religion culturelle. Ils ont même des philosophes, des monseigneurs, machin, monseigneur Perrigo, Quesel, etc. Tous ces gens-là participent de cela. Ils ont même intégré au martyrologue romain quelqu'un qui n'était pas catholique, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la preuve, donc pour eux, vous êtes en dehors de l'Église catholique, physiquement, en dehors du géant romain, et vous vous êtes sauvés. Donc, on peut se sauver dans les autres Église, dans les autres spiritualités, etc. On peut se sauver dans le paganisme américain, sud-américain, de toute façon, parce que maintenant, ça remplace la messe Paul VI, elle a été améliorée, mais en fait, c'est d'une autodestruction sans digue, quoi. Tout a sauté au niveau de la foi, des mœurs, des rites, méthodiquement, tout a été détruit par les effets de Vatican II, et ça continue. Je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas une autodestruction, c'est un assassinat. C'est l'intérieur, c'est une volonté, c'est pas comme s'il y avait une explosion d'autodestruction en cas de désespoir parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est un assassinat. Quelqu'un a infiltré l'Église de l'intérieur et volontairement est en train de tout déconstruire et tout détruire. C'est ça, après au nom de l'Église, mais ils ne peuvent pas représenter vraiment la vraie foi catholique ou l'institution telle qu'elle a pu être. Et ben non, comme on a vu un article passé où ils ont jamais eu aussi peu de cardinaux. Ah oui, ils voulaient 120 électeurs et c'est presque une première historique où ils les ont plus. Ouais. Voilà. Donc, Il va en nommer 50 par tous arts dégénérés. et puis ce sera bon. Il y a du monde. Il y a plein de candidats. Messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur cette émission. Vous avez vu, on a eu de tout. On a eu la revue de presse, on a eu une grosse part d'apologétique. Puis on a parlé un peu de la tradition, bien sûr, des diaconas. Bref, je crois qu'on a eu tous les sujets. J'espère que ça vous a fait un peu rire parce qu'on était assez libre dans notre expression. Messieurs, je vous dis au mois prochain, peut-être un dernier mot pour finir. Moi, pour moi, un dernier mot, ça sera Hitler. Au mois prochain, les amis, et en union d'Hitler. Bon, il a dit la totale, alors moi je dirais pour un quatrième Reich. Si, dédicace à l'Afghanistan. Si c'est refrait, toi-même tu sais, un. Toujours dans la sepla, ouais, très distant. C'est nous, ouais, c'est nous, hein. Les talibans. cojones. Là, à l'image de Balrog dans Street Fighter, je colle un énorme coup de poule par ici, en direction de ta te pute sœur. C'est pour le bien commun, car je suis un sale nazi. Ministère de la vertu, adieu l'ère des écrans. Plus de pose figée, plus de miroir arrogant. Les selfies s'effacent, le réel reprend place. Plus de vanité affichée, retour à l'espace. Dans la lumière des phares, on perd les artifices et les orifices. Plus de pouvoir sur les mâles, bêta complices. Interdisons-leur de parler à ces connasses. Ça piale et ça devient diaconasse. Interdisons-leur de parler à ces connasses. Ça piale et ça devient diaconasse. Faut que ça cogne comme du temps d'Hitler. Hitler. Faut que ça cogne comme du temps d'Hitler. Hitler. Croix gammée en l'air. Croix gammée en l'air, mon gars. Pas de place pour les ragots. Tracas féminins, les bancs sont désertés, les murmures prennent fin. Un ministère du calme pour des rues en silence, au pays des talibans, la paix a sa chance. Voilà, taliban catholique. Là, à l'image de Balrog dans Street Fighter, je colle un énorme coup de poule par ici, en direction de ta. Car je suis un sale nazi. Les reines des pixels sans trône ni couronne disparaissent des flux où l'ego résonne. Plus d'images filtrées, plus de faux paradis. Loin de la toile tissée, salope, t'es fini. Les écrans éteints, les masques tombent enfin. Ministère de la vertu, le règne des pétasses prend fin. Interdisons-leur de parler à ces connasses. Ça piale et ça devient diaconasse. Interdisons-leur de parler à ces connasses. Ça piale et ça devient diaconasse. Faut que ça cogne comme du temps d'Hitler. Hitler. Faut que ça cogne comme du temps d'Hitler. Hitler. Croix gammée en l'air. Croix gammée en l'air, mon gars. Les mecs disent silence gonzesse, fini les débats. À Kaboul on chuchote ou on ne jacte pas. Plus de réunions d'hystériques, plus d'éclats de voix. Les commères au placard, y'a que du calme par là-bas. Taliban catholique. Avec mes potes, ses bras tendus direct et directement, même mes dédirects. Bouge tes fesses de là, t'es autant suspecte qu'infecte. Et on te rejette sa suffragette, grosse tasse pédouette. En bref, mes potes, ses bras tendus direct et directement, on te met des directs. Bouge tes fesses de là, t'es autant suspecte qu'infecte. Et on te rejette sa suffragette, grosse tasse pédouette. On va te mettre la hagla, tu vas te faire hagal, cherche pas. Toujours dans la sepla pour le tradistan, c'est nous les talibans. Toujours dans la sepla pour le tradistan, c'est nous les talibans. On va te mettre la hagla, tu vas te faire hagal, cherche pas.